de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux Juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 18. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à notre adresse email dempart, D-E-M-P-A-R-T, @dnmx.org. Je répète, dempart, D-E-M-P-A-R-T, @dnmx.org. Vous pouvez aussi nous suivre sur gab.com. À démocratie participative, puisque les informations du site paraissent régulièrement sur le groupe. Donc inscrivez-vous, c'est toujours bien aussi en backup pour suivre le nom de domaine quand il change. Et là, ça a été le cas récemment, puisqu'on vient d'adopter le point Monster. Monster, M-O-N-S-T-E-R. Donc je vous demande, en toute modestie, si vous le souhaitez, de faire connaître à vos amis le nouveau nom de domaine par email ou autre. C'est toujours utile. Comme vous le savez, nous soutenons un projet de réseau social alternatif sur Tor, décentralisé, sans censure. Ça s'appelle Idantia. Tout est expliqué à droite sur le site internet. Si vous sentez l'âme d'un mécène, faites-le. C'est utile parce que sur le long terme, pour contrecarrer la censure, il nous faudra un réseau social, comment dirais-je, qui échappe complètement aux États, puisque si vous avez l'impression que la censure aujourd'hui est forte, c'est encore très en deçà de ce que peut imposer demain aussi bien l'État français que l'Union européenne. Il faut en avoir conscience. Toute la pression de la censure n'est pas encore en place, hein, loin s'en faut. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité par rapport à Twitter, il y a eu des menaces très claires d'interdiction de Twitter dans l'Union européenne ces derniers jours, puisque visiblement Elon Musk, qui pourtant pratique la censure, hein, le réseau social Twitter censure, en dépit du retour de Musk. Hein, on est revenu grosso modo à la censure 2019, qui était déjà très forte. Donc évidemment, c'est un peu moins radical que ce qu'on a connu après l'élection de Biden, hein, mais... c'est beaucoup trop encore pour l'Union européenne, pour l'État français, parce qu'il faut savoir, je le dis quand même rapidement en passant, même si on l'a expliqué dans l'émission par le passé, que le gouvernement français, Emmanuel Macron, et derrière lui évidemment les Juifs, du CRIF spécifiquement, n'étant pas parvenu avec la loi Avia à faire adopter la loi Avia dans la législation française, avait annoncé qu'il passerait, à défaut de passer par la porte, il passerait par la fenêtre des lois européennes, et c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe. Vous n'avez qu'à suivre les décisions récentes de l'Union européenne sur justement toute ce qu'ils appellent la régulation, la censure des réseaux sociaux, qui doit s'appliquer à partir de septembre. C'est ni plus ni moins que la mise en place de ce qu'avaient annoncé les Juifs après l'échec de la loi Avia face au Conseil constitutionnel. Prévisible, évident, et ils ont encore beaucoup de ressources en termes de censure en réserve, donc voilà pourquoi on fait la promotion d'Idantia. Alors aujourd'hui, équipe restreinte, beaucoup de nos participants ont des obligations, ça fait partie du genre, donc je suis avec en tandem avec Nogaret pour cette émission, plusieurs membres ont des problèmes de santé, donc j'en profite pour leur souhaiter un prompt rétablissement. Et Nogaret, salut à toi. Salut Gandalf, j'espère que tu vas bien et j'espère que tout va bien pour les auditeurs aussi. Autant que faire se peut, bien entendu. Pour ELB, on essaye de faire de notre mieux aussi. J'avais oublié de faire ce rappel-là. Alors, pour les dons. Alors, comme vous le savez, démocratie participative ne fonctionne que sur le soutien de ses lecteurs, auditeurs et forumeurs, quand le forum fonctionne. On a des soucis techniques qu'on essaye de régler, mais ça prend du temps et malheureusement beaucoup beaucoup trop de temps. Je m'en excuse. Malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. On tente de faire pour le mieux, mais c'est vrai qu'on a quand même des obstacles techniques à surmonter que les autres n'ont pas à franchir. Mais bon, on va y arriver, hein, comme toujours. Donc, si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à le faire. Nous acceptons les dons en crypto-monnaie, plus exactement en Monero. Guide explicatif présent là aussi sur le site de démocratie participative. À droite, il y a un guide pour apprendre à se servir de Monero. Ce n'est pas très sorcier, hein. Nos donateurs y sont très bien parvenus. En à peu près une heure et demie, c'est réglé, quoi, hein, je veux dire, vraiment, hein. Et voilà, donc peu importe les montants, ça nous permet de poursuivre notre effort. Et je tiens à remercier donc tous ceux qui nous soutiennent anonymement. Et si vous souhaitez vous manifester comme donateur, envoyez-nous un petit message par email. On se fera un plaisir de vous lire, évidemment, en ligne. Si jamais j'ai omis de remercier un donateur, qu'il se manifeste à nouveau, c'est possible. D'autant que cette semaine, il y a eu un petit bug sur Dynamics, il y a eu des problèmes de connexion sur Dynamics et on avait répondu en fait à des personnes et ces personnes nous ont réécrit en nous disant j'ai pas eu de réponse, vous pouvez me répondre. Et en fait, on leur avait envoyé une réponse, mais c'était pas passé. Mais on n'avait pas eu de notification d'échec. Donc, comme il y a eu des troubles un petit peu sur Dynamics, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Alors, vous me dites, mais enfin, c'est possible que des personnes se demandent bah, si Dynamics ça bug un peu, pourquoi pas adopter un autre service email? Bah, tout simplement parce que les autres services email se feront un plaisir de nous interdire, tout simplement. C'est que quand on regarde les prestataires d'email, les services d'email, il y en a finalement assez peu, hein. Beaucoup sont situés en Europe où tout est surveillé ou bien censuré. Je vous invite à regarder hein, les services d'email. Voilà, c'est des services d'email qui sont neutres. Politiquement, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pratiquement pas. D'où voilà, notre adhésion à Dynamics qui a l'avantage de fonctionner sur Tor. Alors, premier donateur. Bonjour Gandalf et bonjour à toute l'équipe. Je viens de vous envoyer un don de 0,1 Monero. Donc c'est Alpineur, c'est un donateur régulier de l'émission. Salut, bien sûr. L'actualité est très riche en ce moment. Si vous regardez les journaux et la presse nationale ou régionale, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une agression au couteau de la part de nègres ou d'arabes sur des blancs. Le dernier en date fut la raclure de Bédouins poignardant des bébés dans des poussettes à Annecy, effectivement. Alors, il y a des moments où je prie pour le retour de notre fureur, dit-il. Lors de la dernière émission, un auditeur avait parlé du physique patibulaire des Somaliens ou Éthiopiens. Alors, ça, c'était un courrier des lecteurs, effectivement. Il y avait un auditeur qui avait le plaisir de travailler avec un Éthiopien et il nous en avait fait part. Alors, ayant pris le train récemment, nous dit encore notre donateur, pour Paris, j'ai pu constater par moi-même que ces créatures déambulent dans le métro avec un physique très étrange. Au-delà de leur dialecte, que même un linguiste n'arriverait pas à comprendre, ce qui m'a le plus choqué, c'est leur petite tête par rapport à leur corps. Il y a quelque chose qui n'a pas évolué. J'aimerais bien avoir l'avis de notre cardinal sur cette race. Liberté pour Vincent, Renoir bien sûr, et bonne émission. Alors, j'en profite tout de suite pour répondre par rapport à Vincent. Alors, Vincent passait enfin, normalement, l'audition pour son extradition avait lieu le 8 juin, c'est-à-dire jeudi dernier, et elle a été à nouveau ajournée parce que son avocat a obtenu un délai pour la traduction de vidéos pour lesquelles il est incriminé. Donc, son avocat continue à travailler d'arrache-pied pour assurer à Vincent la meilleure défense possible, et notamment la traduction des documents qui ont abouti à sa condamnation en France. L'idée étant, je présume, de la part de l'avocat de Vincent, de montrer qu'en réalité, la condamnation qui justifie, qui motive la demande d'extradition ne serait même pas illégale en France. Bien entendu. Donc, il veut revenir sur les condamnations même qui ont été prononcées contre Vincent en France. Et c'est tout à fait évident, puisque, comme on le sait, Vincent ne n'appelle jamais à la violence, hein, n'appelle même pas d'ailleurs à la discrimination raciale particulièrement. Son sujet n'est pas vraiment les questions d'ordre racial ou autre, hein. C'est plutôt des questions à caractère historique, même si parfois il part d'autres sujets. Et quand, dans les formats de vidéo qui sont les siens, il n'y a jamais de... c'est clairement pas le style de démocratie participative, par exemple, hein. C'est très pondéré, c'est très... très très très pédagogique, très argumenté. Il n'y a pas de ton polémique, je veux dire. Donc la traduction est en cours et le juge écossais a répondu positivement à la sollicitation de la défense, ce qui montre quand même que les juges écossais n'ont pas l'air dupes du caractère de la manœuvre. Je crois que le juge en question a quand même l'impression. C'est une impression, hein, je ne vous dis pas que c'est ce qui se passe, hein, mais a quand même l'impression d'être considéré comme un simple gratte-papier par la juiverie organisée parisienne. Alors du point de vue, j'imagine, du juge écossais, lui ne voit pas les juifs, je ne pense pas. Je pense qu'il voit simplement les autorités françaises et le gouvernement français, et je crois qu'il n'apprécie pas vraiment le fait d'être... considéré comme simplement un fonctionnaire qui doit mettre des tampons sur des demandes des exigences présentées par la gendarmerie française et les autorités françaises. Je pense que ça lui déplaît. Et donc, il a envie d'un véritable procès. Donc, j'en profite pour souligner ça, parce qu'il y a c'est quand même une différence tout à fait notable. Je ne sais pas quand Vincent sera de retour parmi nous, mais je suis absolument convaincu qu'il aura beaucoup de choses à dire sur cette dimension particulière-là, à savoir que en Écosse, la justice écossaise organise un véritable procès. C'est-à-dire qu'il y a la défense est vraiment entendue. Quand la défense veut présenter des pièces et les faire traduire, le juge répond positivement parce qu'il veut savoir si effectivement le fond correspond, le fond des accusations correspond bien à la matérialité des faits. Donc le juge va au bout de l'enquête, ce qui est très intéressant parce que ça en France ça n'existe pas. En France, la justice est totalement corrompue. Le pouvoir politique, donc en fait les juifs donnent un ordre, aucun magistrat, aucun juge français ne va vouloir aller au fond de l'affaire. Ça n'aura jamais lieu. Ça, c'est très clair. Les procès de Robert Forisson en font état, les procès de Vincent Renoir en font état. J'ai aussi eu le plaisir d'être au contact de la magistrature française. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de procès. Le procès, si vous voulez, c'est un simulacre pour donner le change dans l'opinion publique, pour faire croire qu'effectivement, lors du procès qui se déroule en présence de l'accusation et de la défense, que le juge, en toute impartialité, étudie les pièces et ensuite prend sa décision. Pas du tout. En France, la décision est prise avant le déroulement du procès. Tout le temps. La peine est simplement annoncée au moment du procès. Ça, c'est une grande différence, parce qu'en Écosse, la décision est prise au fur et à mesure du déroulement du procès. Ça, c'est une très grande différence, et il faut quand même le noter, le soulever, parce que on est tellement habitué, en tout cas, chez les opposants politiques au régime français, on est tellement habitué au procès truqué qu'on ne relève pratiquement plus le fait qu'ils sont truqués. Ça devient une évidence. Et donc, on ne prend même plus la peine de dire « bah oui, bon, encore un verdict ». Ben non, voilà, on part du principe que oui, la justice est politisée, à gauche, à l'extrême gauche déjà, et ensuite, évidemment, totalement à la botte des juifs et des réseaux interlopes, réseaux maçonniques ou réseaux d'influence, qu'on connaît. Bon, en Écosse, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption dans la justice, je ne dis même pas d'ailleurs que la décision du tribunal écossais ira dans le sens de Vincent, mais il est manifeste que le juge n'a pas envie d'expédier ça à la va-vite. Il veut aller au fond. Et ça, c'est tout à fait remarquable. donc je crois que s'il veut aller au fond et s'il veut un vrai procès, s'il veut étudier les pièces, c'est déjà pour répondre aux autorités françaises en disant bon, déjà ici, moi il suffit pas de m'envoyer un papier à signer pour que je vous remette quelqu'un. Hein, voilà, je vais moi aller voir au fond et je vais donner à la défense les moyens d'exposer. Alors ça, je pense que c'était pas du tout anticipé par les autorités françaises, qui se sont comportées en terrain conquis en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que le général de gendarmerie qu'ils ont mis à la tête de ce truc grotesque de lutte contre les crimes contre l'humanité, imaginez-vous pour des vidéos sur Internet, bon, enfin, l'inflation verbale de ces gens-là a atteint des sommets. Et donc, voilà, ils arrivent, ils déroulent, ben voilà, nous, en gros, on représente les juifs, livrez-le, quoi, en gros. Hein. Bon, la réponse du berger à la bergère, quoique subtile, a quand même été formulée, et là voilà. Donc, nouvel ajournement pour le mois de juillet, et ensuite on verra hein, de quoi il retournera, mais c'est tout à fait remarquable. Est-ce que Nogaret a quelque chose à dire sur ça? Bon, en sachant que l'arrestation de Vincent, c'est le mois de novembre, et en précisant encore une fois que l'arrestation a été rendue possible parce que le gouvernement britannique, Londres, a mobilisé le contre-espionnage britannique, c'est-à-dire le MI5. Hein. Donc, ils ont mis vraiment les grands moyens, le type de moyens qu'on utilise traditionnellement pour des espions d'État étrangers ou pour des groupes terroristes extrêmement dangereux. Ça a été quand même pour ça. À la demande de Rothschild, parce qu'on avait démonté le fil, hein, c'était bien via un parlementaire britannique travailliste, donc de gauche, qui a fait d'ailleurs la peau de Corbyn, au terme d'une campagne de diffamation intense, en lien avec le Likoud en Israël, au passage, et bien ce député travailliste, qui n'est plus d'ailleurs député aujourd'hui, évolue dans la roue de Rothschild, hein, de la maison de Rothschild en Grande-Bretagne, elle-même très proche de tous les intérêts juifs, ce qui a expliqué pourquoi finalement ils ont accepté d'arrêter, contre même la législation britannique et même écossaise, Vincent, puisque ce qu'il fait n'est pas illégal au Royaume-Uni. Voilà. Donc il faut voir dans quoi on se trouve. Donc Nogaret, je te donne la parole éventuellement sur... voilà, bah sur une affaire qui remonte à novembre, on est au mois de juillet, ça s'éternise, qu'est-ce que t'en penses? D'abord, sur la question des juges, peut-être, je suis pas un fin connaisseur de l'Écosse, mais peut-être se joue là deux choses, c'est-à-dire que l'Écosse, ça reste un pays qui a quand même une histoire de volonté d'indépendance, sinon de détachement par rapport à un pouvoir central à Londres, donc peut-être que ça joue sur leur volonté justement d'indépendance de la justice, et justement, dans notre monde où les juges veulent prendre de plus en plus de place, ils ont un peu du mal parfois à se faire dicter les règles, comme tu l'as très bien dit, surtout quand ça vient de l'étranger, d'agents étrangers. Alors certes, d'agents cosmopolites hein, qui n'ont pas vraiment de patrie, mais voilà, j'espère que la justice écossaise tranchera dans le bon sens. Sinon, je ne ferai que saluer le courage et l'abnégation de Vincent dans cette épreuve, qui a l'air, en tout cas dans les courriers qu'on peut voir de lui, qui sont transmis par Rivarol notamment, qui a l'air de tenir le coup, de garder le bon cap. Et voilà, il y a eu l'anniversaire là, d'Oradour, donc on a pensé à lui, bien entendu. Et il faut que les auditeurs continuent de lui écrire, bien entendu. Ah oui, tout à fait. Écrivez-lui, il y a l'adresse. Pas d'argent. Parce que me semble-t-il qu'il ne peut pas en user en prison. Pas de nourriture, c'est pas possible, ça passe pas. En revanche, à lire, ça l'intéresse. Et je l'ai déjà dit, mais j'insiste, il faut toujours répéter, pas nécessairement de la littérature relative à la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est un lecteur éclectique, très éclectique, et des romans, même des romans policiers par exemple, hein, science-fiction, vraiment un peu de tout l'intéressera. Hein. C'est quelqu'un qui est curieux, donc n'hésitez pas à lui proposer. Pas besoin d'avoir des livres neufs, hein, je précise aussi. Des livres que vous avez achetés d'occasion, il y en a beaucoup dans les bouquineries. Là. Vous pouvez comme ça dire, tiens, je vais acheter 2-3 bouquins à Vincent. Voilà, ça ne va pas vous coûter cher dans les bouquineries, il y a beaucoup de livres d'occasion pas chers. Mais qui vont l'intéresser, hein, voilà. Donc Vous pouvez parce que sur la Deuxième Guerre mondiale, je pense, il a quand même beaucoup lu. Donc vous risquez peut-être d'envoyer des doublons, des choses qu'il a déjà lues, etc. Alors que si vous sortez de ce champ-là, il y a peut-être des choses qu'il va découvrir. Donc n'hésitez pas à casser un peu les codes, voilà, mais pour lui faire passer le temps, hein, tout simplement. Sinon, un mot d'encouragement, toujours, en lui disant que qu'il n'est pas seul, hein, tout simplement, hein, qu'il est très soutenu et qu'il force l'admiration puisque il plie pas. J'ai vu qu'il avait un second avocat d'ailleurs. C'est-à-dire que son avocat, qui c'est Monsieur Dunn, s'est adjoint les services d'un deuxième avocat, je crois qu'il s'appelle McIntosh, et donc qui est un spécialiste aussi de l'extradition. Donc là, il commence à avoir une équipe très solide d'avocats écossais qui sentent tout simplement, parce que c'est des dossiers emblématiques, notamment en Écosse. Donc évidemment, pour la réputation de leur cabinet, c'est très important. S'ils remportent un dossier comme ça, évidemment, pour leur cabinet, ça n'est que d'autant mieux, hein. Mais il y a aussi, je pense, une fibre. Je crois pas qu'il y ait du tout de sympathie, hein, pour les sympathies de Vincent, je veux dire. Donc voilà. Don numéro 2. Cher démocrate, j'ai le plaisir de vous envoyer donc le Monero du mois de juin. C'est Tortue Têtue qui nous écrit. Salutations à Blickpal qui a adhéré au club des donateurs à 1 Monero par mois. J'espère qu'un autre auditeur nous rejoindra prochainement. Comme toujours, merci pour votre travail. En plus de nous guider dans les luttes horizontales contre les bouts nègres, les PD, les femmes habites, les gauchos et les hystériques, vous éclairez la lutte verticale vers le sujet le plus brûlant du moment, le plus lourd, le plus grave, le plus dangereux, c'est-à-dire le péril juif. Longue vie à toute l'équipe. Tortue Têtue. Merci à toi, Tortue Têtue. Bien, c'est très flatteur. On essaye de faire pour le mieux. Effectivement, travail de déconstruction du discours officiel, des vérités dites établies. En tout cas, on essaye de contribuer à cet effort. Si vous pensez que le travail est bien fait ou relativement bien fait, eh bien, ça nous touche, ça nous fait plaisir. Donc, merci à vous de nous soutenir. Et oui, il ne faut pas perdre de vue, effectivement, la force qui est au-dessus de toutes les créatures qu'on doit affronter. C'est assez bien distingué, effectivement, les luttes horizontales et la lutte verticale. Oui, je me reconnais assez dans cette description. Ceux qui se cachent derrière le rideau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, courrier numéro 1. Bonjour, chers démocrates. Ce soir, j'avais envie de vous donner mon sentiment sur l'ensemble de votre œuvre, qui, dans ce monde, est un véritable combat qui mérite d'être reconnu. Alors, en fait, c'est Ludwig qui nous écrit. Alors, depuis maintenant 8 ans, vous réalisez un travail monumental, nous dit-il, tant au niveau politique, historique, sociétal que journalistique. Je vous ai découvert depuis environ 4 ans, j'ai tout de suite apprécié le ton de votre émission, un style nazi-punk, comme dirait Gandalf, une touche d'humour noir, comme certains uniformes dessinés par Hugo Boss, est toujours positive. Non pas que vous ayez influencé ma façon d'appréhender les choses, je suis déjà converti depuis de nombreuses années, je l'avoue. Votre travail m'a aidé à préciser ma pensée, à approfondir les choses, à exprimer mes idées sur des sentiments confus que je ressentais. Je me suis pris au jeu et j'ai récupéré toutes vos anciennes émissions disponibles sur les différents réseaux. Je me les passe peu à peu en voiture, pendant mon sport. J'invite tous nos camarades à faire de même. Ils constateront la pertinence de votre vision. Son anticipation en vue de ce que nous constatons actuellement. Grâce à tout ceci, j'arrive à développer une argumentation claire et factuelle avec mes deux enfants, mâles je précise. Je suis bien content de ne pas avoir eu de fille d'ailleurs. Malgré le lavage de cerveau que l'école réalise, l'actualité nous donne raison, que tout le monde garde ça en tête. Et si vous avez des arguments solides, peu à peu les enfants s'interrogent, même si au début ils ne vont pas vous l'avouer. Mais c'est un début. D'ailleurs, je constate via mon fils aîné que les jeunes, blancs bien sûr, sont relativement décomplexés sur la période de la Seconde Guerre mondiale et le fait qu'ils soient régulièrement emmerdés par des races nuisibles les interpelle fatalement. Je pense qu'il faut œuvrer dans ce sens, car quoi qu'on pense sur la jeunesse, ils sont l'avenir, que ça nous plaise ou pas, c'est ainsi depuis la nuit des temps. Et pour finir, un grand merci à vous qui êtes une véritable bouffée d'air pur hebdomadaire au milieu de ce monde putride. Je ne peux connaître le niveau de votre audience, mais je suppose que je suis loin d'être le seul à penser comme tel, racialement vôtre. Merci à toi, Ludwig. C'est très laudateur. Merci, c'est bien écrit, en tout cas, c'est bien tourné, c'est flatteur. Je laisse aux uns et aux autres le soin de trouver, enfin d'évaluer, est-ce que c'est justifié, est-ce que ces compliments sont justifiés ou pas. Mais en tout cas, si à titre personnel, ce que nous avons fait collectivement au fil des années a pu t'aider à préciser, comme tu le dis, ta pensée, à mettre des mots sur un sentiment qui était parfois peut-être un petit peu plus flou, eh bien tant mieux. Et voilà, si on a pu donner des armes intellectuelles pour appréhender un petit peu cette réalité, pas toujours évidente à comprendre. Et donc voilà, donc j'en suis évidemment le premier content. Et si tes enfants bénéficient de ce savoir, bah c'est tant mieux. C'est souvent le plus dur, je dois dire, d'être lucide et de ne pas pouvoir transmettre ce que l'on sait. C'est un peu le problème en général. Nogaret, éventuellement ? Oui, moi c'est sur une partie du message, quand il parle du fait que les jeunes seraient décomplexés, plus décomplexés en tout cas sur la Seconde Guerre mondiale, effectivement c'est quelque chose aussi que j'ai pu remarquer de moi-même, étant en visite chez des proches, il y avait la fille d'une connaissance qui était là, et qui justement évoquait ça, que dans son lycée privé, très blanc pour le coup, il y avait de jeunes garçons qui s'amusaient à tendre le bras et à rigoler beaucoup sur cette période, et apparemment c'était un phénomène non négligeable, et c'était pris de façon plutôt comme un acte de rébellion, mais c'est déjà un début, c'est comme ça qu'on entre en fait parfois par la petite porte, et qu'on remet en cause un petit peu les choses qui ont pu être inculquées d'une certaine manière. Donc voilà, ça fait partie des éclaircies que l'on peut voir pour le futur. Oui, bah, moi, ça me rappelle un peu Cassandre. C'est un peu le drame de la lucidité, c'est-à-dire que tu sais les choses, bon, en toute humilité, on ne sait pas tout. Hein, je ne sais pas tout, personne ne sait tout, mais bon, on voit quand même la réalité, et en tout cas, on constate que ce que nous décrivent ceux qui contrôlent l'appareil d'État, ceux qui contrôlent la pyramide sociale, la réalité parallèle qu'ils créent, et dont ils essayent de convaincre la grande masse du public, avec un certain succès évidemment, la dénoncer, essayer de briser cette illusion est très difficile. Et donc j'ai un peu le sentiment d'être comme Cassandre parfois. Vous avez des éléments factuels, vous voyez la réalité, mais vous n'arrivez pas à en convaincre les autres, qui vous maudissent si vous dites ce que vous savez, n'est-ce pas ? Donc c'est très difficile d'être lucide. C'est parce que vous rencontrez en fait la bêtise des gens. Vous rencontrez la bêtise des gens. Et la bêtise conditionnée par plusieurs choses. Hein. La bêtise, c'est l'ignorance. Le caractère obtus des gens, les habitudes de pensée qui ont malheureusement tendance à se transmettre de père en fils ou de mère en fille, et aussi la lâcheté. C'est plus simple de ne pas voir la réalité telle qu'elle est plutôt que de la voir telle qu'elle est. Parce qu'évidemment, si on feint de ne pas voir, on peut du coup se laver les mains de toute responsabilité. On ne se sent pas tenu psychologiquement de faire quelque chose. Voyez ? Donc c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui d'être dans le discours dominant. Discours dominant qui ne serait pas d'ailleurs nécessairement un discours radicalement pro-immigration, mais plutôt un discours beaucoup plus mièvre, en disant oui, bien sûr, il y a des problèmes avec l'immigration, par exemple. Il y a des problèmes avec l'immigration. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Oui, ça, c'est très confortable. Oui, c'est très, voilà. J'ai vu que Bayrou est intervenu, le centriste, évidemment, entre tous, établi, gros, voilà, de peau, là, le Béarnais. Et c'est ce qu'il dit. Voilà. Oui, mais quand même, la France doit rester ouverte. Mais il faut faire attention. Voilà. C'est très confortable, ça. C'est très confortable. Extrêmement confortable. C'est beaucoup plus dur d'arriver, de parler de la réalité raciale. Et de quelque chose parce qu'il y a quelque chose de lourd dans la race, c'est que c'est intemporel et inamovible, n'est-ce pas ? Aucune forme de volontarisme politique ne peut abolir les différences raciales, les déterminismes raciaux et leurs conséquences, n'est-ce pas ? Donc ça casse l'optimisme qui est profondément ancré dans les classes dirigeantes, culturellement, je veux dire, on souffre d'un optimisme culturel, on a affaire à des gens qui sont des optimistes culturels, sont des utopistes, n'est-ce pas ? Donc pour eux, tout ira forcément mieux demain. Pour peu qu'on bricole, pour peu qu'on... Voilà, c'est pour ça qu'ils ont constamment le prisme social. Le prisme social, en gros, c'est on va mettre un peu de pognon, ça va aller mieux. Parce que tout doit forcément aller mieux si on répartit un peu mieux l'argent. Non, parce que quand vous arrivez avec la réalité raciale, donc qui sont des déterminismes génétiques qui ne peuvent pas être dépassés, peu importe le montant d'argent que vous allez dépenser, peu importe les réformes sociales, le vote des lois que vous allez faire, un arabe va rester un arabe, un nègre va rester un nègre, et il va continuer à se comporter comme un nègre, peu importe les lois que vous voterez. Et ça heurte de plein front l'optimisme culturel de la gauche, forcément, qui est fondé sur l'utopie. Et évidemment aussi, bon, bien sûr, des profiteurs de tous les horizons, et des lâches qui ne veulent surtout rien entendre de tout ça, parce que si vous arrivez, vous dites les problèmes sont inscrits biologiquement dans la matrice de cette société, ça veut dire qu'on ne peut pas les esquiver, voyez. Alors là, le lâche, il est inquiet, parce que ça voudrait dire qu'on serait susceptible de le mobiliser pour agir là-dessus, et ça ne l'intéresse pas. Il veut mener sa petite vie de lâche et il n'est pas du tout motivé par une résistance quelconque, hein, je veux dire, il est dans l'évitement et voilà. Donc évidemment, vous êtes celui qui a porté les mauvaises nouvelles, hein, comme on dit traditionnellement. Et alors, il y a deux façons de réagir à une mauvaise nouvelle, soit vous lisez la mauvaise nouvelle et vous essayez de réagir, soit vous caillassez le gars qui arrive avec la mauvaise nouvelle. C'est ça. Et malheureusement, bon, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai plutôt le droit à des caillasses. mais voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, bah, quand vous êtes un Cassandre, si vous parlez poliment, vous ne serez pas écouté. On ne va pas vous écouter. D'accord ? Pour les raisons que j'ai dites. L'ignorance, la lâcheté, personne ne va daigner consacrer du temps à quelqu'un qui parle doucement de mauvaises nouvelles. Donc ce qu'il faut faire, c'est que comme vous savez qu'ils vont vous caillasser, c'est vous qui arrivez en les caillassant. Et vous dites, j'ai une mauvaise nouvelle, pas et vous leur jetez des cailloux à la face. Et là, les mecs, ils se réveillent, ils hurlent, ils disent, voilà. Et c'est comme ça quand même qu'on arrive à faire passer un message. Alors oui, c'est désagréable. Oui, forcément, on passe pour des gens extrêmement désagréables, des empêcheurs de tourner en rond. Mais au moins on sonne l'alarme. Et quand on sonne l'alarme, on réveille les gens à 3h30 du matin, hein, d'accord, hein. On n'arrive pas avec les croissants, le café à 7h30. Non, on crie au pire moment, vous voyez. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, on a parfois le sentiment. Enfin, moi j'ai le sentiment parfois de. Enfin, c'est ce que je disais, c'est le problème de la lucidité face à une situation très dure. Donc forcément, vous n'êtes pas toujours bien accueillis. Hein. Voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, pour appuyer sur cette question de la lucidité, en fait, au-delà de l'immigration, bon, il n'y a pas de doute sur la lucidité de notre camp, on va dire que cette lucidité, on la retrouve que ce soit dans des événements un petit peu, on va dire, marqués dans le temps, comme le Covid, hein, tout ce qu'on a pu annoncer, enfin, tout ce qui a été en tout cas annoncé sur le site, ça a été mis en place avec un décalage, mais ça a été mis en place à tel point où ils disaient qu'ils étaient gênés parce que justement les complotistes, bah voilà, ils faisaient un complot, mais s'ils avaient raison, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment raison parce que bah, c'était pas en place au moment où ils disaient. Enfin, ils ont fait des saltos et des loopings dans tous les sens pour essayer de nous donner tort alors qu'on avait raison. Et cette lucidité se retrouve aussi sur des thèmes un peu plus globaux. On l'a évoqué à plusieurs reprises. On reprend l'œuvre de Bardèche, qui, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, disait dans des termes très clairs, très limpides, ce qui allait arriver, comment le monde allait évoluer, à cause notamment des procès de Nuremberg. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais... Mais voilà, enfin, ça fait partie des choses qu'on a pu voir et que les gens ont pu sentir dès le début, mais qui pour autant n'a pas remué les masses, parce que bah voilà, tu l'as évoqué, les différents thèmes, mais il y a aussi, je rajouterais simplement, oui, enfin tu l'as dit d'une certaine manière, mais la paresse et l'inaction, c'est-à-dire que les gens vont venir en disant oui, comme tu disais par exemple sur l'immigration, il y en a des biens, il faut faire un tri, mais après, il y a la question de qui fait le tri, qui fait le tri, comment on fait le tri, qu'est-ce que vous mettez en place. Alors là, par contre, en fait, quand on demande du concret, c'est bien de justement les plateaux télé, c'est bien pour ça, c'est qu'ils annoncent tout et n'importe quoi, leur bonne volonté, mais la politique, où est-ce qu'elle est derrière, hein? Je pense qu'au cours de l'émission, on va pouvoir Oui. encore plus développer sur ce sujet, mais clairement, quoi. Il y a, comme tu dis, ils se complaisent en fait dans leur situation. Alors, merci à Ludwig. Message suivant, courrier numéro 3. Un peu plus long. Il est signé par Stavrogin. Voilà, Stavrogin, qui nous écrit du Japon. Alors, démocrate, salutations. Vivant à l'étranger depuis de nombreuses années, ayant besoin de vacances et n'ayant pas la moindre envie d'aller me perdre dans les méandres français, j'ai emmené ma petite famille slave au Japon. Pays que je connais plutôt bien, mais le thème n'est ici pas le Japon. Ah, de quoi s'agit-il? Quelle a été ma surprise? Comme je n'ai pas mis les pieds en France depuis quelques années, j'ai été stupéfait de voir l'évolution de mon pays d'origine à des milliers de kilomètres de ce dernier. Comme dirait Gandalf, c'est extraordinaire. Alors oui, alors ça c'est, vous allez voir, c'est très drôle. Donc en fait, Stavrogin va au Japon en vacances, se dépayser avec sa famille. Il est peut-être d'origine russe, je sais pas, je connais pas, hein, mais voilà. Enfin bon. Enfin, il est originaire de France, mais peut-être qu'il avait des racines russes ou slaves de toute façon. Et alors, il va voir ses compatriotes, ne riez pas, au Japon. Et donc, il nous en donne des éléments. Donc, un touriste français sur deux est soit un arabe, soit un nègre. Je n'exagère pas. Dans la ville de Nara, soudain, j'entends du français. Je tourne la tête. Que vois-je? Un groupe de quatre personnes. Un nègre, une beurette, un truc de l'Hindou Kouch et une chose totalement indéfinissable du type Raquel Garrido, mais en plus sombre. Ma femme, voyant mon désarroi, me prit dans ses bras pour me réconforter. À Kanazawa, je suis tombé sur un couple très certainement homosexuel. Un bon blanc à l'air un peu perdu et son Algérien. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que l'Algérien était branché sur le canal Asselineau-Hilard et pas du tout sur Bruxelles et la CAF. Alors la conversation fut lunaire. L'Algérien était littéralement scandalisé par l'évolution raciale de la France, alors que le blanc, lui, restait dans la tolérance et l'envie de compromis. Le français meurt du cancer de la naïveté. Mais un autre constat s'impose, nous dit notre auditeur. Si la colonisation de l'Hexagone est évidente, j'ai compris là que, désormais, le remplacement atteignait très sérieusement les classes moyennes supérieures. Car un petit séjour au Japon est autrement plus onéreux qu'un été au bled. Robert, lui, se contentera du Limousin. Oui, c'est bien observé. C'est bien observé. C'est vrai que bon, c'est une distance qui est un peu coûteuse. Donc, le type de touriste qui venant de France qui va au Japon a forcément certaine aise financière. C'est tout à fait entendu, hein, je veux dire, sans être pour autant millionnaire, mais c'est juste, c'est bien observé. Je ne m'étendrai pas sur les hordes d'Américaines obèses qui hantent les rues de Kyoto en kimono tout en bâfrant des takoyaki. Cette vision de l'enfer est trop classique. Non. Je me suis retrouvé à discuter avec un couple de quadragénaires typiquement américains. La gonzesse, une blonde sortie d'une série des années 90, le type, un grand costaud à la mâchoire bien carrée. Mariés depuis 17 ans, deux enfants de 8 et 4 ans. Je pousse l'indiscrétion à leur demander pourquoi ils ont attendu autant de temps avant de faire des gosses. Réponse du costaud: Because the Lord wanted it this way. Donc ça veut dire parce que le Seigneur voulait que ça se passe comme ça, quoi. Voilà une réponse qui de nos jours détonne. Il s'agissait là de Texans, de bons Texans traditionnels qui me parlèrent de leur fascination pour le Japon qu'ils aiment autant et comprennent aussi mal que moi. Et là débarqua un autre Américain, mais un Américain de New York, avec le poil sombre et un nez, j'ai pensé à un macareux. C'est marrant ça. Ce dernier avait vécu à Kyoto pendant 8 ans. Il m'expliqua adorer le Japon, mais qu'il y avait un truc qui l'indisposait, qui l'insupportait. Alors, il posait la question, la bouffe? Non. Leur discipline? Non. Le pollen des cerisiers? Non. Non, évidemment. Ce qu'il voulait, c'est que le Japon s'ouvre. Que le Japon devienne plus multiculturel, plus open society, en gros. Je lui démontrais par A plus B qu'une telle ouverture serait synonyme de destruction de tout ce qui faisait la beauté, la singularité du Japon. Il devait en convenir. Mais 10 minutes plus tard, il revint sur cette nécessaire ouverture. Une véritable boule de slime. Hein, c'est la fameuse boule de slime dont Adolf Hitler parle dans Mein Kampf. Hein. Vous savez, il admet le truc et puis vous le revoyez un peu plus tard et c'est la discussion revient au point de départ. Vous voyez, le juif. Alors bon, hein, il peut pas certifier que c'est un juif, mais New York, sombre, nécrochu, c'est quand même un peu similaire. Alors à Tokyo, j'étais en train de lire dans un bar quand s'approcha de moi un homme, la cinquantaine, grand, oui grand, avec un grand nez aussi, et de grandes oreilles. How you doing? Donc, comment vas-tu? Me lance-t-il. Ça va et vous? Lui dis-je en français, tant son accent était évident. Et là, voilà qu'il commence à m'expliquer à quel point il a bien mené sa barque dans sa vie. Marocain, il a vécu un temps en France, mais voilà 25 ans qu'il vit en Asie, et me dit-il, c'est lui, qui a fait la scène électro-japonaise. Je le regarde et lui dis, oui, donc, marocain, enfin, juif marocain. Il y a un temps de latence, et puis il confirme et continue à m'expliquer ses mérites et exploits avant d'aller retrouver ses copains. Une demi-heure plus tard, je décide d'aller dormir, mais je voulais savoir s'il connaissait un certain DJ japonais que j'apprécie. Et là, non mais je ne veux pas discuter avec toi, ça ne m'intéresse pas, non, je te dis, je ne veux pas. Et le voilà qui fuit le bar. J'ai décidé de le poursuivre dans la rue avec ma question. Il s'est mis à marcher de plus en plus vite avant de s'enfourguer dans un autre établissement tellement bondé que je n'aurais pas pu rentrer. Je pense que vous aurez compris de quoi cet instant fut l'illustration. Heureusement, les Japonais, eux, restent de véritables racistes, sympathiques au quotidien, mais vous signifiant toujours en finesse que vous êtes d'une autre planète. En espérant qu'ils ne cèdent pas aux exigences d'ouverture de New York, si je devais vivre un énième moment occidental fascinant au Japon, je vous le ferais savoir. Mais mon courrier est déjà suffisamment long. Et c'est signé Stavrogin. Bah, salut à Stavrogin. Bras tendu. J'ai été fasciné par cette discussion, cet échange. Oui. C'est malheureux parce qu'il a dû visiter des endroits assez touristiques, assez emblématiques. Et malheureusement, qui dit endroit touristique et emblématique dit touriste, hein, forcément. Avec tout ce que ça implique. Donc, je comprends et je compatis. Donc, peut-être éventuellement à l'avenir, la prochaine fois, s'écarter des endroits un peu plus touristiques et aller vers des endroits moins connus. Mais bon, voilà. J'espère qu'il n'en a pas trop vu quand même. Nogaré, éventuellement, une réaction au courrier de notre auditeur? Oh bah c'était un courrier bien détaillé. Moi je ne connais pas très bien le Japon, mais bon, comme tu dis, on voit bien les touristes, ce sont un peu les mêmes partout. On voit bien que la francophonie lui a beaucoup parlé, hein. C'est l'avantage, hein. La puissance de la France qui rayonne grâce aux francophones partout dans le monde, hein, ça donne des résultats assez improbable. Je ne suis pas sûr que ça participe à la puissance française ni à son rayonnement, mais bon. Maintenant, c'est fait, hein. Je pense qu'on ne le changera plus. Donc voilà, merci à lui pour ce petit courrier. Alors, j'ai quand même envie de réagir sur l'élément premier du courriel de Stavrogin. C'est le fait que quand on va à l'étranger et qu'on croise des Français, la moitié sont des Français. Alors ça, c'est absolument juste, c'est absolument vrai. Et je le sais d'expérience, bien entendu, depuis déjà au moins une quinzaine d'années. Et alors, au Japon, moi, personnellement, je ne sais pas, mais dans d'autres pays, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, et alors, pour le Japon, très probablement, ça s'explique malheureusement par les animés et les mangas. qui sont très consommés en France par les Français, n'est-ce pas? Et donc, ils veulent visiter le Japon, etc. Et on a beaucoup, j'imagine, de ces populations françaises qui veulent aller visiter le Japon, quoi, hein, ou de femmes à chat, de femmes à mèches colorées, ce genre de trucs, quoi. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont évidemment pas du tout faits pour la société japonaise. C'est évident. Parce que, si vous voulez, la société japonaise est une société foncièrement traditionnaliste, très, très hiérarchique, à l'opposé en à peu près tout de la France. Ça, vous savez, depuis la Révolution française, la France et la gauche, c'est une seule et même entité. D'accord ? On peut réduire la France à la gauche, aux idées de gauche, à l'égalitarisme et à toutes les tendances destructrices de l'égalitarisme. Et le Japon, c'est presque l'inverse. Vous voyez ? C'est presque l'incarnation, entre guillemets, du pays de droite. Et il y a quelque chose qui est récurrent, c'est que malheureusement, la bourgeoisie française, parisienne, envoie beaucoup de bourgeoises au Japon, en poste à différents titres. Dans la presse, dans des instituts financés par l'État, des trucs comme ça. Ce sont des petits postes, des petites niches. Et vous avez typiquement la conne de bourgeoise de gauche, blanche, généralement entre 25 et 35 ans, qui arrive avec toutes ces idées arrêtées de France. Et alors, c'est extraordinaire, puisqu'elles ont un discours antiraciste, un discours... elles ont absorbé tous les poncifs de la gauche, y compris sur le colonialisme, etc. Et c'est encore plus drôle aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'on appelle le wokisme, il y a tout un discours sur le racisme systémique, le caractère ethnocentré des sociétés occidentales, etc. Et quand ces bourgeoises arrivent au Japon, bah, elles font exactement ce qu'elles reprochent aux autres, c'est-à-dire qu'elles adoptent un point de vue condescendant sur la culture japonaise et la société japonaise, que tout ce qu'elles observent et qui leur déplaise leur paraissent devoir disparaître et être corrigé. Donc là, vous avez le syndrome, si vous voulez, de la missionnaire. D'accord ? De la femme qui va évangéliser les sauvages. Donc en fait, ils n'ont pas compris leur pays. Ça, c'est typiquement la française qui est de passage au Japon. Les Japonais, ils n'ont pas compris leur bled. Il faut leur expliquer. Donc, tu vois, t'as Audrey qui arrive de France, tu vois, elle arrive au Japon, tu vois, et puis il y a des tas de trucs qui lui plaisent pas, donc elle va expliquer, tu vois, à Taro comment ça marche. Elle va dire, mais t'as pas compris, en fait, tu vois, ton pays, c'est un pays de fascistes, tu vois, moi, je vais t'expliquer, tu vois, les droits des femmes, etc. Voilà. Alors, bon, voilà, c'est comme ça, mais c'est systématique. Alors, le pire, c'est que ces affreuses bonnes femmes sont envoyées presque par bateau entier par toutes les rédactions hexagonales, notamment l'agence France Presse, Le Monde, etc. Elles ont des correspondantes. C'est absolument atroce. Parce que du coup, tout leur regard sur la société japonaise est le regard d'une bourgeoise blanche française, donc par définition de gauche, avec toutes les conneries que peut raconter une bourgeoise de France. Vous comprenez ? Donc, donc vous ne comprenez rien. Vous regardez la société japonaise à travers les lunettes de ces bonnes femmes, vous comprenez rien du Japon, vous pouvez rien comprendre. Si vous comptez sur le journal Le Monde, Libération, ou des spécialistes autoproclamés de l'université française pour comprendre le Japon, bah, au revoir, vous ne comprendrez jamais rien à ce pays. Vous comprendrez jamais rien, n'est-ce pas ? Et alors malheureusement, il y en a toute une querelle comme ça qui font ça. J'imagine que c'est plus ou moins la même chose dans certains autres pays, sauf peut-être dans les pays musulmans, parce qu'en fait, il y a un risque physique dans les pays musulmans et ça, en général, ça calme les femmes. En fait, la menace physique latente calme les femmes. Soudainement, elles deviennent extrêmement compréhensives. C'est étonnant, hein, mais c'est vrai. Vous voyez. Donc, si vous êtes coulant avec les femmes, attendez-vous à être pris pour un couillon, hein. Voilà, donc, en passant. Et alors, donc ça c'est d'une. Et sinon, bon, les races de boue qui viennent aussi au Japon à cause du fait qu'ils lisent des mangas. Donc voilà. Et c'est. Voilà. Mais il n'y a pas qu'au Japon. Dans des tas de pays comme ça, maintenant, les Français exportent leur diversité. Voilà. Donc, au bout d'un moment, vous en tirez une conclusion. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites l'effort d'éviter les Français. Parce qu'en fait, quand vous évitez les Français, vous évitez les Français. Vous voyez ? Il n'y a pas beaucoup de Français que vous allez croiser à l'étranger qui sont des gens avec lesquels vous avez envie d'avoir des relations. Hein. Parce que soit c'est des gens, ils sont complètement dans le politiquement correct absolument. C'est-à-dire qu'ils ont réussi. En fait, ils appartiennent plutôt aux couches supérieures de la société. Ils s'expatrient. Mais pour disséminer leur métastase, vous voyez ? Et donc, aucune espèce de conscience d'eux-mêmes, aucun sens de l'autocritique, aucun regard distancié sur le merdier qui est devenu la France à cause de gens comme eux, bien entendu. Et pire, ils veulent imposer aux autres le merdier qui existe déjà chez eux. Donc, c'est vous dire le degré d'humilité. Hein. Donc, vous ne voulez pas être au contact de ces gens parce que vous voulez pas être avec ces gens-là. Déjà, en France, vous ne voulez pas être à côté d'eux, ces gens-là. Vous voyez ? Et malheureusement, le petit prolo blanc qui comprend un peu comment ça marche dans son pays, il n'a pas l'occasion de voyager. Alors que le bourgeois bien établi, ou le fils de bourgeois, qui est très confortable matériellement et qui régurgite toutes les idées reçues du système, lui, il a l'occasion de voyager. Et c'est plutôt ce type de profil-là que vous allez rencontrer, malheureusement. Ou alors, vous avez les races debout. Moi, j'en ai vu des comme ça, hein, dans d'autres pays aussi. C'était pas possible. Hein. C'était pas possible. Hein. Des mulâtresses... Des bicots, c'est tout le temps en train de pleurer sur le racisme. Ça, c'est extraordinaire, ça. Tout le temps en train de chialer sur le racisme. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Partout où ils vont, ils se plaignent du racisme. Mais c'est incroyable, hein, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, c'est une race de géniards à se plaindre. Voilà, donc, vous voulez plus de contact avec ces gens-là. Quoi. Donc, je pense que c'est très difficile pour les quelques Français qui sont à peu près lucides d'interagir avec d'autres Français à l'étranger. Hein. Je pense qu'ils n'essayent même pas, en fait. Hein. Je pense qu'ils ne savent même pas. Et si vous demandez, si vous posez deux, trois questions, vous avez juste qu'à regarder les résultats des élections par pays, au présidentiel. Bon, c'est pas que Marine Le Pen, c'est la panacée, mais enfin, c'est quand même un test assez fiable quand on vous pose une question à deux réponses. Voilà, bon, c'est A ou B. Hein. Vous regardez les résultats. Hein. C'est, en Amérique du Nord, je crois que c'est des scores staliniens pour Macron. Vous voulez pas fréquenter des gens comme ça, hein. Je veux dire, moi je sais pas, il y a peut-être quelques blancs en Amérique du Nord qui sont un peu lucides, mais je pense qu'ils veulent pas du tout, quelques blancs de France qui sont en Amérique du Nord, qui voient clair, je pense qu'ils peuvent pas fréquenter les autres Français, hein. Je pense que c'est pas possible. Enfin voilà ce que je voulais dire, et oui, donc, il y a un temps de latence, effectivement, entre l'image des Français, parce que, par exemple, au Japon, ils pensent que les Français, c'est des grands blonds, en fait. Ils pensent... Les pauvres. Non, mais c'est vrai, ils croient que c'est un peu comme dans le 18e siècle, quoi, si vous voulez. Vous voyez ? Parce qu'il y a une époque, en fait, où les Français étaient peuplés principalement de gens châtain clair ou blond. Il y avait des bruns aussi, mais je veux dire, le phénotype français, c'était des gens clairs, je veux dire. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes brun, vous êtes un bougnoule, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Mais il y avait quand même un phénotype dominant de gens plutôt de type nordique, si vous voulez, d'accord ? Donc les yeux bleus, verts, et ça, ces phénotypes sont en train de disparaître en France. Purement et simplement, ils sont en train de disparaître. Vous voyez ? Et donc, faites un peu le tour des influenceurs en France, connus, regardez les morphotypes, regardez les phénotypes. Y en a très peu qui ont des types français, hein. Y a pas beaucoup, hein. Les Japonais, ils sont restés bloqués sur. Ils sont pas au courant, ils ont pas encore vraiment entendu parler de la catastrophe raciale qui arrive en France, ils sont pas vraiment trop au courant, hein. Pas vraiment, hein. Voilà. Ah, ils commencent à l'être un petit peu quand, tu sais, ils viennent chez nous et que justement ils goûtent au RERB en arrivant de l'aéroport. Ils se rendent compte qu'il y a un petit choc culturel qui se fait et que la France a un petit peu changé par rapport à leur vision. J'ai vu une agression récente de Chinois parce qu'en fait, les Japonais, bon, ils sont très organisés, hein, à l'étranger. Ils ont des tours opérateurs qui sont à eux spécifiquement. C'est très, très militarisé. De toute façon, les Japonais, c'est ultra organisé. Hein, faut bien comprendre ça. Tout est millimétré. C'est à la minute. Et quand je dis à la minute, c'est à la minute. Donc, en fait, je pense que leurs organisateurs savent exactement à quoi s'en tenir et ils minimalisent les risques au maximum. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais de problème à des Japonais, bien entendu, mais ce sera des Japonais qui viennent d'eux-mêmes, seuls, etc. Mais généralement, c'est plutôt des visites groupées. Je pense que s'il y a des gens qui habitent à Paris, ils doivent voir ce que je veux dire. C'est-à-dire, ils tombent sur des groupes de Japonais qui prennent des photos, n'est-ce pas? C'est un peu un cliché, mais c'est vrai. Bon, ça, c'est une chose. Mais en fait, vous avez des Asiatiques qui viennent un peu n'importe comment. Et les Chinois viennent un peu n'importe comment. Alors, eux, c'est des pigeons, mais c'est facile comme pas permis pour les. Comment dirais-je, pour les Arabes ou les gangs en général ethniques. Et j'ai vu donc ils étaient en van et ils faisaient la jonction, je pense, entre Roissy Charles de Gaulle et aller savoir quel hôtel. Et t'avais un arabe, une bande d'arabes à scooter qui était en train de péter leur fenêtre. Ils avaient pété la fenêtre et ils essayaient de piquer les sacs Louis Vuitton, vous voyez. Donc c'était assez impressionnant à voir. Et cette nana-là, manque de bol, c'était une influenceuse, je crois, de Hong Kong, qui avait environ 10 millions de followers dans son pays. Parce qu'évidemment, quand on est un follower en Chine, tout de suite, tout est multiplié par 100, quoi. Forcément, compte tenu de la taille du pays, quoi. Donc la nana, elle a expliqué ce qui lui était arrivé. C'est pas vieux, hein, ce que je dis là, ça a 3 semaines. Donc elle a expliqué, voilà, ce qui nous est arrivé à Paris, il n'y a plus de Français, il n'y a que des Noirs. Elle parlait comme ça, hein. C'est sans filtre, hein. Les Chinois, ils sont sans filtre, hein. Ils sont ultra racistes, ils ont bien raison. Et ils ne peuvent pas saquer les nègres, comme tous les gens censés. Et donc, alors, vous imaginez les dégâts en termes d'image en Chine continentale, quand on leur dit ça. Quand on leur dit ça, qu'on montre les images en plus, parce qu'ils ont filmé l'attaque. Donc, croyez-moi bien qu'il y a des touristes chinois qui, voilà, c'est bizarre la France, hein, voilà. Évidemment, là, les médias français sont extrêmement discrets, hein, très, très discrets. Le journal Le Monde, Libération, là, ils ferment bien leur gueule et ils peuvent rien faire parce que là, l'influenceuse, il n'y a pas moyen de lui supprimer son accès aux réseaux sociaux. Hein. C'est pas possible, hein. Vous voyez, j'ai vu que Papacito s'est fait sucrer sa chaîne YouTube là parce qu'il a chatouillé un peu trop près un maire pourri là. Bon, bah, il a perdu sa chaîne. Bah, là, en Chine, tu peux pas faire ça. Hein. La chinoise, elle dit non, non, la France, c'est un gros pays de nègres ultra dangereux. Ah, bah, non, ben, Moshe, il peut pas aller se plaindre et dire supprimez-lui son compte. Non, désolé, Tristan, c'est pas possible. C'est pas possible, désolé. Non, non, les juifs l'ont dans l'os. D'où probablement les réserves des juifs à l'égard de la Chine ces derniers temps. Parce que, petit truc comme ça. Ah, voilà quoi. Mais Gandalf, si tu me permets de revenir rapidement sur les touristes, je pense que finalement, ce qu'on observe avec les espèces de connes françaises bien formatées, c'est un phénomène qui est somme toute naturel. C'est-à-dire que quand on part à l'étranger, la plupart du temps, on veut retrouver un petit peu ses marques et donc reformer son propre environnement. On va chercher à avoir, bah, par exemple, d'autres blancs pour vivre avec d'autres blancs, même si on est à l'étranger, simplement, sûrement parce que ça rassure. Et donc, ils cherchent de cette manière, un peu comme les Noirs et les Arabes font en France, en Europe de manière générale, à imposer leur propre mode de vie, parce que voilà, ils s'y retrouvent. Et ça, on le voit très bien. J'ai vu quelques informations dernièrement où, à l'international, la pression est mise de plus en plus sur le Japon pour qu'il fasse passer le mariage des fiottes, c'est-à-dire qu'il fasse un petit peu comme Taïwan, qui s'ouvre un petit peu aux valeurs de la démocratie. Hein. On insiste de plus en plus. Alors, c'est ça qui est malheureux, c'est que tous ces gens, en fait, ne comprennent pas la relation cause à effet qu'ils ont fait dans leur pays et qui ont mené à ce qu'il y a dans leur pays. Ils vont vous dire, tu l'as très bien dit, hein, souvent dans des vidéos, les vlogs, etc., ils vont vous dire, ah, tel pays, pas que le Japon, hein, tel pays, c'est formidable, par contre, c'est pas très ouvert, mais bon, il y a de la sécurité, on peut tout laisser, personne ne Oui, vole, on se demande pourquoi. etc. Oui, voilà, c'est ça. Ils ne font pas le lien de cause à effet parce que c'est raciste, en fait. Alors que finalement, je ne sais pas si tu as vu enfin, ces quelques vidéos, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a une espèce de nègre au Japon qui, en ce moment, sévit et fait chier les Japonais. Il leur rappelle les bombardements nucléaires que les États-Unis ont fait. Ils passent des extraits indécents dans le métro, etc. Ouais, j'ai vu Et les ça. Japonais. Ouais, ce qui m'a rassuré, c'est que les Japonais ont tendance à de temps en temps l'attaquer dans la rue maintenant. Donc j'espère que au Ah, lieu de l'envoyer chez. j'ai vu, c'est fait tabasser là. La dernière fois que j'ai vu le truc, j'ai vu un extrait vidéo, il était dans la rue, il s'est Les fait, il s'est 20 ans de fait. tôle. Je l'ai vu, il s'est fait tabasser, hein. Pas la dernière fois que je l'ai vu, quoi. Oui. Oui, mais c'est ce qui rassure. Bah bon, j'ai pas trop suivi son aventure, j'ai juste vu des extraits un peu comme tout le monde. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est marqué sur son faciès aussi, quoi. Me semble-t-il que c'est un Somalien, lui, d'ailleurs. Oui, j'allais Ouais, te dire, voilà, mais c'est c'est justement ça, sur les mais faciès. voilà, mais c'est-à-dire qu'ils ont des gueules très narquoises, vous voyez. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'être narquois. Donc c'est ça tout le problème. C'est un peu comme les Algériens, quoi. C'est très narquois, ça nargue, mais ça peut narguer que quand l'homme blanc est pas en colère, en fait. Alors là, bon, autant l'homme blanc, bon, aujourd'hui, bon, voilà. Mais alors bon, les Asiatiques, attention, hein, je veux dire, eux là, le chantage au racisme, ça ne marchera pas. Ça marche pas, ils s'en foutent. Hein. Non, non, ils s'en tapent complètement. Il y a ça, et puis quand il y a un problème, pour l'avoir déjà vu une fois, quand il y a un problème justement avec un étranger, c'est assez fascinant à voir, puisqu'ils sont tous assis, mais dès qu'il y en a un qui part, ils ont tendance à tous se lever et à y aller avec lui. C'est-à-dire que c'est pas comme en France où les autres vont vous dire non, non, attendez, attendez, arrêtez, alors que l'autre fait chier tout le monde. Là, ils y vont tous pour lui mettre un pain, pour lui faire comprendre que dans leur société, on n'agit pas comme ça. We won't reveal our ailments and what haunts our sleep nightly in this tiny little world. We've locked ourselves in so tightly, and the dead stand between us like wreaths, and the people we've abandoned, the life we've surrendered to the streams. Oh, Rhodesia, I've given you my all, and now I'm nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing. One fire fights one fire, one nail, one nail. Right by right falter, strength by strength you fail. One fire fights one fire, one nail, one nail. Right by right falter, strength by strength you fail. All that's left now are dreams of kings we murder to dissect. For our meddling intellect misshapes the beauteous forms of things. So we bleat a little, twist a little, rotting in the belly of the beast, while you feel you cannot be wrong. Oh, Deezer, I've given you my all, now nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing. One fire fights one fire, one nail, one nail. Right by right falter, strength by strength you fail. One fire fights one fire, one nail, one nail. Right by right falter, strength by strength you fail. One fire fights one fire, one nail, one nail. Right by right falter, strength by strength. Fire. Rubrique numéro 2, c'est l'occasion de parler un peu du fait divers, comme on dit, comme dirait Monsieur Kassovitz, d'origine juive. J'aime bien rappeler quand les juifs sont d'origine juive, en fait. Ça me plaît beaucoup. Tout le monde a vu la scène, encore que pas tout le monde forcément, parce que ça a été censuré. Donc c'est vrai que j'ai moi-même un réflexe, mais je pense que beaucoup de gens ont vu la scène, mais elle a été censurée. En tout cas, elle est disponible en vidéo sur la démocratie participative. Elle a été archivée par nos soins, parce qu'il est très important de lutter contre la censure gouvernementale. On y reviendra dans cette discussion. Donc, en tout cas, les éléments principaux de cette attaque qui s'est déroulée à Annecy, à laquelle je fais allusion, sont connus du grand public. Ceci étant dit, et nos auditeurs par voie de conséquence, ceci étant dit, par acquis de conscience, je vais lire un article du Monde qui revient là-dessus à la faveur d'une prise de parole du maire d'Annecy, qui s'appelle François Astorg, et qui est un écolo-gauchiste, mais surtout qui est un mulâtre. Ah, j'aurais même dit un gobelin. En fait, il a un peu une gueule d'Algérien, mais il faut savoir que les Algériens ont 20% de sang nègre. Hein. Et donc, c'est un mulâtre. Hein. C'est un mulâtre. Hein. Il a du sang de nègre. Et en fait, il est carteron. Donc, vous avez vu les dégâts que ça fait, le sang nègre ? Vous avez vu les dégâts que ça fait ? Un seul quart de sang nègre et vous êtes défiguré. Vous ressemblez à une espèce de monstre. C'est effrayant, hein. C'est vraiment terrifiant. Alors, je lis cet article, parce que c'est un condensé, si vous voulez, de doxa dominante. Hein. Bon, le journal Le Monde, donc la Pravda, là, carrément, c'est le politburo en ligne directe. D'accord. Journal juif, je le rappelle, là aussi, j'aime bien rappeler, moi. Hein, c'est une propriété de la banque juive. Hein. C'est les banquiers juifs Pigasse et Nil. Hein. C'est du communautaire, hein, Le Monde. Hein. C'est pas un journal grand public. Hein. C'est un journal de juifs, fait par les juifs et pour les juifs. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, 3 jours après l'attaque au couteau d'Annecy, qui a fait 6 blessés, parmi lesquels 4 très jeunes enfants, les habitants d'Annecy se sont rassemblés dimanche 11 juin au bord du lac en soutien aux victimes. Depuis le drame qui s'est déroulé sur une aire de jeu proche du lac, la foule afflue pour déposer des fleurs, des peluches, des dessins et des ballons en forme de cœur. Le maire d'Annecy, François Astorg, Europe Écologie Les Verts EELV, a cité les noms de 6 victimes en introduction dans son discours. « C'est d'abord en leur nom que nous sommes rassemblés, nous sommes suspendus à l'espoir qu'ils guérissent », a-t-il déclaré. Annecy vient de vivre une tragédie à laquelle il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, nous dit-il, et la communion, a-t-il poursuivi, pour faire le choix de l'avenir contre celui de la destruction, pour bâtir plutôt que haïr. Monsieur Astorg est lui-même visé par des messages haineux de l'extrême droite, nous dit encore le journal juif Le Monde, qu'il accuse d'avoir favorisé l'immigration. Oui, il la favorise d'autant plus que lui-même étant immigré, forcément, il participe du problème, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu, ça tombe sous le sens. Donc la vie des 6 blessés n'est plus en danger, avait annoncé la procureure samedi. Un garçon de 2 ans est toujours traité à Grenoble, tout comme une fillette du même âge. Une touriste britannique de 3 ans pourra quitter l'hôpital de Grenoble dans les prochains jours. La fillette néerlandaise de 22 mois est toujours soignée à Genève. Un promeneur portugais de 73 ans a pu être entendu par les enquêteurs. Plus légèrement blessé, l'autre adulte, un Français de 78 ans, était très vite rentré chez lui. Alors, on va revenir sur le promeneur portugais de 73 ans qui a été blessé. Alors, oui, alors il n'a pas été blessé par l'immigré, hein, il a été blessé par la formidable police française en action qui a fait l'admiration du pays entier. Hein. Là, on a vu vraiment où l'argent des Français allait, hein, c'est de l'argent bien dépensé. L'efficacité a été au rendez-vous. Hein, il s'en est miraculeusement sorti, je ne sais même pas comment il a fait. Normalement, quand la police tue comme ça... Non, le tir, c'est pour tuer, hein, normalement, un innocent, en général. Bon... Monsieur Astorg a aussi tenu à saluer dimanche le courage d'Henri, de Lilian, des agents municipaux et de tous ceux qui ont agi avec héroïsme jeudi. Lors de l'attaque, 2 agents municipaux ont tenté d'arrêter l'attaquant à coups de pelle. Un jeune loueur de pédalo et un professeur de mathématiques en sortie avec des élèves ont essayé de s'interposer. Une assistante maternelle s'est précipitée pour secourir 2 enfants blessés et un jeune touriste a pris en chasse l'agresseur. Emmanuel Macron leur avait déjà témoigné sa gratitude et sa fierté vendredi au cours d'une cérémonie officielle organisée à la préfecture de Haute-Savoie. Et il s'était notamment attardé auprès d'Henri, le jeune touriste célébré par les réseaux sociaux comme le héros au sac à dos. S'en prendre à des enfants, c'est évidemment ce qu'il y a de plus lâche, c'est s'attaquer à l'innocence, à ceux que la société devait protéger de toutes ses forces, a poursuivi le maire d'Annecy dimanche, promettant que la vie chantera à nouveau dans le parc de jeux attaqué et qu'Annecy se relèvera. Très émue, la foule a applaudi quand une chanteuse est ensuite venue interpréter Juliette Gréco. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Voilà, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, on vous aime. Alors, Nogaret, beaucoup de choses à dire là sur cette conclusion, parce que ça y est, c'est bon, c'est conclu. Hein. Donc, l'amour, les bisous, les chansons, tout va aller mieux, l'extrême droite, c'est pas possible. Voilà, et on va rebâtir tous ensemble avec des migrants, enfin ça va être cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, comme tu le dis, il y a énormément de choses à dire sur ce que tu disais, ce fait divers, hein, parce que finalement quand il y a 120-130 attaques au couteau par jour, voilà, on parle souvent de faits divers. Hein. Là, la petite différence, c'est que le type s'en est pris à des enfants. Je pense que c'est ce qui a permis à l'info de monter par-dessus tout le reste, au grand désarroi de la gauche et du centre, hein, bien évidemment. Donc je pense que voilà, je vais commencer par définir certaines petites choses, et puis je te laisserai après la parole, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est que cette espèce de troll là, de Astorgue, qui vraiment est une monstruosité sur pattes, quand on voit un petit peu ce que tu as pu lire, voilà, c'est vraiment les slogans creux que peuvent nous sortir les politiques après chaque affaire, voilà, pas de haine, etc. Mais d'une certaine manière, la gauche et le centre se sont bien accordé sur quelque chose, c'est qu'on n'avait pas le droit de parler de cette affaire. Alors, pas le droit dans deux sens, dans le sens légal, c'est-à-dire qu'on ne doit pas diffuser la vidéo, on ne doit pas en parler par respect pour les victimes, etc., enfin, que sais-je, hein. Et le droit dans un sens moral, c'est-à-dire qu'il faut laisser du temps au recueillement, c'est pas bien d'instrumentaliser, de récupérer, hein. Il est interdit de récupérer, attention, vous n'avez pas le droit de parler de ce sujet. Ça a beau toucher votre communauté, la gauche, le centre, vous l'interdisent. Et avec tout ça, bien sûr, tous les relais juifs, comme tu l'as bien dit, pour le journal Le Monde. Hein. Finalement, qu'est-ce qui se met en place? C'est la loi du silence. C'est une affaire très grave. Hein, on appelle ça l'omerta dans le monde mafieux. Hein, oui. Exactement, voilà, on a une mafia à la tête du pays, donc c'est pas innocent, mais voilà, c'est la loi du silence. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est attacher des ballons. Alors c'était pas la saison des bougies, donc il n'y a pas de bougies, mais bon, l'esprit y est, mettre quelques bouquets de fleurs, c'est très bien pour ceux qui font ça, ça reste un hommage, voilà, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, ce que ne veulent surtout pas les politiciens, c'est que l'on réagisse. Pourquoi? Parce que l'action, finalement, c'est le début du fascisme. Et quelque part, ils ont raison. Parce que si les gens commencent à réagir, bah, on va dire qu'on va arrêter d'être dans ces espèces de politiques molles, de slogans vaseux, de dire « Ah ben voilà, c'est qu'un fait divers, c'est pas grave, c'est... » Tout ce genre de choses. Donc, c'est... On le voit bien au niveau de la manifestation qui a eu, je crois que c'était le soir même, ou le lendemain, je ne sais plus, mais d'une partie de la droite dure qui est venue crier son mécontentement à coup de terroristes à mort immigrés dehors, qui a d'ailleurs été bien détourné par beaucoup pour dire qu'il criait à la mort des immigrés, mais bon, bref, ça c'est du détail. Mais voilà, c'est... Ils vous retirent tout moyen d'action. Ils vous l'interdisent même. C'est même pas qu'ils vous le retirent, c'est qu'ils vous l'interdisent. C'est si vous voulez diffuser, eh bien, on vous condamnera en justice. C'est vous, finalement, le problème. C'est pas le reste. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois... Oui, t'as tout à fait raison dans ce que t'as dit. À chaque fois, c'est comme l'affaire Lola. Hein. À chaque fois qu'il y a une indignation... dans la population indigène qui se sent attaquée et qui pourrait nourrir un sentiment d'autodéfense, l'administration parasitaire qui administre le territoire occupé neutralise les tentatives de résistance indigène. Donc l'agresseur n'est pas l'ennemi prioritaire, donc l'agresseur physique, celui qui tue les enfants. L'ennemi prioritaire, c'est l'autochtone qui voudrait se défendre. Alors, on est là face à un problème fondamental, puisque la caste parasitaire, oligarchique, transnationale, cosmopolite, veut disposer des pays, des peuples, comme bon lui semble. C'est leur conception du monde. Il ne doit pas y avoir de frontières. C'est en quelque sorte le capital qui doit allouer la distribution des personnes. Et on voit la collusion se renforcer chaque mois qui passe entre le discours sans frontiériste de la gauche, y compris de la gauche la plus radicale, et le discours du grand patronat, avec maintenant une formule consacrée autour des secteurs ou des métiers sous tension. Et la jonction est faite avec la figure du patron humanitaire. Voilà. Si un patron emploie un clandestin dans son commerce ou dans son entreprise, en fait, il n'exploite pas. Il fait une œuvre caritative. Et la jonction est désormais consacrée. Et on voit bien avec SOS Méditerranée la mécanique, c'est-à-dire que c'est des ONG qui sont financées par de grandes puissances d'argent, qui sont protégées par l'Union européenne, tous les réseaux transnationaux, donc il y a Soros, il y a d'autres, et à chaque fois que les autochtones d'un pays donné, donc là on est dans le transnational, et à chaque fois que les indigènes qui veulent réaffirmer leur propriété sur un territoire pour se défendre, le pouvoir transnational, qui a le contrôle effectif, les rappelle à l'ordre. Et il y a une mécanique de guerre psychologique qui est menée, donc on est vraiment là dans un exercice au sens le plus pur de propagande et de guerre psychologique pour désarmer les autochtones et pour que le processus d'importation massive d'immigrés ne cesse pas. Parce que si les autochtones se révoltent avec succès, le processus d'importation s'arrête. D'accord ? C'est ça la conclusion logique de la révolte des autochtones. Le processus d'importation d'immigrés s'arrête. Or, la puissance financière au pouvoir qui contrôle toutes les démocraties occidentales, veut de l'immigration maximale. Ça, c'est la ligne incontestable, incontestée, que aucun parti politique ne peut remettre en question, sous peine de représailles extrêmement, extrêmement dures. Par tous les biais directs et indirects, directement par exemple par l'Union européenne, ça c'est un exemple, par des biais indirects avec l'action subversive d'ONG ou de partis politiques, mais aussi médiatiques, avec des fausses affaires de racisme qui sont montées, etc., pour exciter la population contre ceux qui veulent se défendre, ça, vous connaissez ça très bien. Donc quand ils se retrouvent face à des affaires comme ça, ils ont un gros problème. Parce que organiquement, le peuple veut se défendre. Et vous ne pouvez pas dire « non, non, mais c'est pas grave ». Donc il faut présenter la chose différemment. Donc la tactique, elle est la suivante. D'abord, il faut dépolitiser ce qui s'est passé. Donc les médias vont forcer le caractère émotionnel, la commisération. C'est triste, c'est terrible, etc. Donc tout ce qui va avoir un caractère émotionnel va être mis en avant, mais il va y avoir une dépolitisation massive. Et toute personne qui vont dire « Attendez, c'est bien beau la commisération, mais il faut raisonner plus largement, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour que ça ne se reproduisse pas. » Et là, ceux-là sont immédiatement diabolisés. Et on va les diaboliser en disant « Non, en fait, vous avez vu, ces gars-là, en fait, ils veulent pas résoudre le problème. Ils exploitent la misère des gens, c'est pas vos amis, c'est pas eux qui veulent vous défendre, voyez ?» Comme si ceux qui parlent comme ça, donc les médias, l'État, les réseaux qui passent leur temps à importer les assassins voulaient le bien des populations. Et pourtant, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, non, non, mais nous, on veut vraiment votre bien. Par contre, les gens là qui sont dans les rues, qui veulent résister à l'immigration, qui essayent de fermer les frontières suite à ça, c'est vos ennemis, c'est eux la menace. Donc, vous voyez, il n'y a que deux camps. On est dans une guerre, il n'y a que deux camps. Soit on est du camp de la submersion totale, soit on est du camp de la résistance à la submersion du côté des indigènes. Vous voyez ? Donc, du côté de ceux qui veulent défendre leur pays, leur territoire, ou du côté de la caste transnationale. Il n'y a que deux camps, il n'y a vraiment que deux camps. Et du coup, pour la caste transnationale, il n'y a qu'un ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'immigré qui arrive avec des couteaux, sans couteau, qui a des velléités terroristes. C'est l'indigène. C'est lui qu'il faut écraser. C'est lui qu'il faut maintenir sous contrôle. C'est lui qu'il faut pacifier. Donc, cultiver le caractère émotionnel permet, si vous voulez, de sidérer les masses et de les enfermer dans l'émotion pour ne pas qu'il y ait ensuite un processus de rationalisation et de questionnement. Et ensuite, on vous présente... les gars qui vont avoir les solutions, hein, les fameuses solutions, et on va dire non mais en fait ils vous noient sous un torrent de platitudes, on vous dit oui il faut peut-être durcir un peu ça, il faut peut-être ça, mais bon il faut pas faire d'amalgame, etc. Ça se tasse et on passe vite à autre chose, et généralement même ils enchaînent avec ils vont essayer de monter un truc avec une menace indigène. Donc ça va être, je sais pas, une tentative d'attaque terroriste de l'extrême droite, etc. Et ça tourne constamment comme ça. Donc on l'a vu avec l'affaire Lola. Lola, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, bah à la fin, quand le cycle a été terminé, c'était de la faute de l'extrême droite. Donc factuellement, qu'est-ce qui se passe ? T'as une gamine blanche dans le 18e ou 19e arrondissement où il n'y a pratiquement plus un blanc qui se fait poignarder et atrocement torturer, y compris avec des sévices sexuels par une maghrébine. La logique voudrait de dire il y en a assez de cette immigration avec les fameuses OQTF, etc. Donc Darmanin, c'est l'impuissance consacrée Darmanin. C'est-à-dire que le mec n'applique, il est au ministère, il n'applique même pas la loi française. Constamment, tous les jours, constamment des problèmes avec les OQTF, c'est-à-dire des décisions d'expulsion qui ne sont pas appliquées, etc. C'est devenu un sketch. C'est devenu un running gag. Bon, bah, toute la colère devrait converger au moins vers Darmanin, le ministre de l'Intérieur en place. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est incompétent. Bien sûr qu'il n'est pas incompétent. Il organise l'impuissance, c'est pour ça qu'il est là. Mais par réflexe, on devrait voir ça. Or, non. Ça se termine à chaque fois, après le travail médiatique de toute cette classe journalistique, 37 000 terroristes qui opèrent dans différentes rédactions en France, que ce soit au niveau de la presse écrite, de la presse audio ou bien de la presse télévisée, 37 000 terroristes à carte de presse, qui retournent la réalité pour le compte de ce pouvoir transnational et qui vont accuser ceux qui veulent se défendre d'être la menace, c'est-à-dire les indigènes, d'être la menace pour eux-mêmes, si vous voulez. Et donc, à chaque fois, c'est pareil. Donc, à la fin de la fin, quand vous avez fini de lire la presse française, le danger vient de l'extrême droite. Donc, Lola a été tuée par les fascistes. Ah bon ? Et là, bon, il n'y a pas eu mort d'enfant, tant mieux, je m'en félicite, mais il y aurait eu mort d'enfant, bon, bah, à la fin de la fin de la fin, ça serait l'extrême droite. Vous regardez le journal Le Monde. Vous avez vu le papier que je viens de vous montrer, là, de la presse juive, là, du journal juif Le Monde ? Normalement, la presse, une presse saine, normale, devrait dire quel est le rôle de toutes ces organisations qui font passer sur le territoire français des gens qui n'ont pas de papier. Alors, celui-là, on va dire, moi-même, il avait fait une demande d'asile, machin. Peu importe. On peut se retourner à ce moment-là, mais alors la politique d'asile qui est tellement défendue par les organisations de gauche, d'extrême gauche, etc., la CIMAD et compagnie, ceux qui ont dicté la jurisprudence en la matière, etc., est-ce qu'il n'est pas le temps de la revoir ? Ça, c'est une réaction normale d'une presse normale face à un fait comme ça. Qu'est-ce qu'on voit en lisant Le Monde ? Que le problème, c'est l'extrême droite. Donc vous voyez, le retournement, il est progressivement fait. C'est-à-dire que le problème, c'est pas l'envahisseur, c'est l'envahi. Alors c'est normal pour une presse parasitaire, juive, puisque le juif est un parasite qui craint la colère de l'autochtone. Parce que évidemment le parasite a peur que sa victime s'ébroue et se débarrasse du parasite. Donc il est logique que le juif se solidarise de tous les parasites en puissance qu'il importe. C'est totalement cohérent et évident. Mais ce travail est fait, et à coup de martèlement, par BFM, ils arrivent à obtenir leur... Faut pas se mentir, hein. Alors oui, il y a certainement une érosion. C'est-à-dire, il y a une lassitude dans l'opinion qui se forme au bout d'un moment. C'est indubitable. Mais quand même, par le travail de BFM TV, par le travail de LCI, par un bombardement pendant des jours et des jours et des jours, on arrive quand même à récupérer les boomers, on arrive quand même à récupérer le centre, et voilà, bon, voilà. Et en fait, en plus du caractère émotionnel, on singularise. C'est-à-dire que ce que les médias veulent absolument éviter, c'est que il y ait une analyse systémique du fait. C'est-à-dire, est-ce que ce fait divers, comme on l'appelle, en fait, traduit un phénomène plus général dans la société qui nécessiterait une solution. À la place, les médias vont singulariser, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser au caractère particulier du truc. Donc ils vont s'intéresser au profil de la personne, ils vont s'intéresser aux différents protagonistes, ils vont aller dans le détail, vous voyez, pour surtout éviter qu'on prenne du recul, qu'on fasse un zoom arrière pour essayer de voir s'il y a une multiplication de ce type d'agression, le profil des mecs qui s'en rendent coupables. Est-ce qu'on peut en retirer une récurrence, et est-ce que cette récurrence est-ce qu'il y a une solution à cette récurrence, d'accord? Est-ce qu'il y a un profil particulier donc de ceux qui le font? Est-ce qu'ils viennent par des mêmes pays? Est-ce que voilà ça c'est des questions à se poser. Or ils font tout l'inverse. Donc, et ça, on le vit en temps réel. Et alors, le maire, là, qui est une fine ordure, donc c'est un sale métis, qui est un ennemi racial, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est un ennemi racial qui a été élu par la bourgeoisie dégénérée d'Annecy. Il a été mis là en place par eux. Il y a presque mort d'homme, mort d'enfant. L'autre bosse pour sa race. Ça, c'est des réflexes ataviques. Je parlais de déterminisme, etc. Lui, en dernière instance, il va lutter contre les Blancs. Il va lutter contre les Blancs. Quand il y a le feu comme ça, il va lutter contre les Blancs. Donc même s'il y a mort d'enfant, lui, il va dire « Attention, attention, attention. Si les Blancs se révoltent, moi, ça va mal se passer pour moi. Ça va mal se passer pour moi. » Donc là, attention. Hein. Et là ça se passe dans le cerveau reptilien à ce niveau-là, vous voyez. Et là, il va prendre position en fonction des intérêts de sa race, tout en bavardant sur la tolérance, le truc. Comme si vous voulez, il avait de l'empathie pour tous les... Non, il a de l'empathie pour ceux de sa race. Et ça exclut évidemment les Blancs. Ça, il faut le comprendre. Ils ont des logiques de prédation déterminées par leur race. Ça, c'est fondamental à comprendre. Ça vaut pour les Juifs, ça vaut pour les mulâtres, ça vaut pour tous les parasites raciaux. Ils fonctionnent tous pareil. Mais ils ne peuvent pas le dire, bannière déployée. Ils ne peuvent pas dire, nous sommes des prédateurs étrangers qui venons ici pour profiter, pour nous créer des situations sur votre dos. Et s'il y a d'autres parasites qui commettent des dégâts, nous, on ne veut pas passer à la caisse. Tant pis pour vous, c'est bien fait pour votre gueule. De toute façon, on ne vous aime pas. Ils ne vont pas parler comme ça. Ils vont noyer les gens en disant, en affectant, de montrer qu'ils aiment tout le monde, etc. C'est ça l'arnaque, vous comprenez? Et donc, ce type-là, le mulâtre Astor, est un manipulateur de l'opinion qui doit désigner un autre ennemi. Parce que n'oubliez pas, je termine là-dessus, mais Carl Schmitt a démontré par A plus B que toute activité humaine est déterminée par la guerre. L'humanité est constamment, toujours en guerre, constamment, au plan même individuel. C'est ce qui régit absolument toute l'activité humaine. De quoi découle qu'il y a des amis et des ennemis. Donc j'ai bien désigné les deux catégories en mouvement, les indigènes et les parasites étrangers qui se ruent sur la France. Il y a aussi chez les indigènes des traîtres qui, pour diverses raisons, parviennent en trahissant à se créer des situations dans ce système d'exploitation des indigènes. Donc là, on en a vu quand même quelques-uns. Et puis, vous avez ceux qui ont besoin de retourner la situation pour que l'ennemi reste l'indigène. Et c'est ce que fait le fameux Astorg, élément étranger, halogène, un élément parasitaire, agressif, qui se retrouve maire par la stupidité sans nom de la bourgeoisie dégénérée d'Annecy, qui vote pour un écolo-gauchiste, et donc qui défend l'invasion totale. Il l'a dit sur tous les toits, il a dit si on organise l'arrivée des migrants, on les accueille, les trucs. Donc il travaille pour sa race, je le dis, contre les indigènes. Et voilà, et donc lui, il faut retourner le discours public contre, non pas la menace extérieure, mais contre la menace intérieure, parce que c'est comme ça, en définitive, qu'est perçu l'indigène, la menace intérieure. L'homme blanc est la véritable menace pour ce système. C'est lui la menace permanente. C'est pas l'agresseur effectif avec le couteau qui tue. Non, ça c'est pas lui, ça c'est pas grave, ça c'est à mettre par pertes et profits. L'ennemi fondamental du système, dans cette logique d'exploitation des indigènes, c'est l'homme blanc. C'est lui qui doit être désigné aux foules comme étant toujours le coupable, sinon il y aura une révolution. Si jamais on ne parvient pas à maintenir cet a priori contre l'homme blanc, s'il y a un retournement, c'est la catastrophe pour le système. Là, ça, c'est la grande révolte des indigènes, et là c'est terminé. Donc vous comprenez, j'ai passé ça en vue, mais voilà, il faut comprendre pourquoi il s'exprime comme ça. C'est pas simplement, Astor, il dit pas ça juste pour passer entre les gouttes. Il a des billes dans la partie, au plan génétique. Il a des billes dans la partie, d'accord? Il y a une guerre raciale en cours, croyez-moi bien que qu'il y ait des enfants blancs ou pas qui soient plantés, il n'en a strictement rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver sa peau et sauver sa situation. C'est un parasite au service du système colonial, qu'on appelle donc le système globaliste, qui est un système colonial, hein, c'est vraiment, on est là-dedans. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la séquence que j'ai lue, là, qui me paraît tout à fait symptomatique, qui me rappelle à bien des écarts l'affaire Lola. Je pense que c'est un copier-coller. Donc voilà, et le travail donc le travail d'intimidation, tu l'as bien dit d'ailleurs, t'as dit voilà, on n'a pas le droit, on dénie aux indigènes le droit de s'activer contre l'agression, hein, donc de stimuler les défenses immunitaires, mais en plus on les intimide, hein, donc on leur vous avez bien vu, il y avait un gendarme là, donc je parlais des traîtres, des renégats qui travaillent pour ce système d'exploitation. Il y en avait un justement qui était sur Twitter et qui disait: ceux qui partagent la vidéo donc de la tuerie, enfin de la tentative de tuerie, on vous voit, sous-entendu, parce que c'est passible de je sais pas quoi. Genre lui vous pointe du doigt, il vous pointe. Donc il y a une agression par un envahisseur contre des enfants, réflexe d'un de ses flics. Il pointe du doigt l'autochtone et il dit: toi là, on te voit. Attention à ce que tu vas dire. On te voit faire. Silence. Tu te tais. Ça, c'est un mécanisme mafieux, un mécanisme terroriste, parce qu'il s'agit d'intimider les populations pour qu'elles se taisent, pour qu'elles ne réagissent pas et qu'elles fassent la volonté du pouvoir en place. Et ça, c'est la gendarmerie française. C'est peut-être le dernier point, en tout cas sur cet article, mais ça fait le lien avec ce que tu disais par rapport à justement à cette censure organisée qui a été revendiquée par le gouvernement, par le ministre qui a dit qu'il avait demandé à Twitter de tout interdire, à la surprise d'Elon Musk d'ailleurs, qui a fait savoir qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé, parce qu'ils l'ont interdit au niveau mondial et pas seulement au niveau français. Donc ça, c'est encore un point d'achoppement qui risque d'avoir des conséquences. On a vu ce gendarme en question, ce haut gradé de la gendarmerie, qui a intimidé les indigènes agressés, et pas l'agresseur, c'est vous dire le degré de trahison de la gendarmerie française, qui n'a plus de française que le nom d'ailleurs. Hein, Et donc j'en viens au point qui m'intéresse, c'est que l'État français n'est français que de nom. Simplement, après deux siècles de propagande républicaine et révolutionnaire, les Français s'identifient à l'État-nation. Alors d'abord, il n'y a plus d'État-nation, ça n'existe plus. À partir du moment où vous avez repeuplé la France d'allogènes, vous n'avez plus une nation homogène, donc il n'y a plus de nation. Donc c'est autre chose, c'est un truc multiculturel, multiracial, une espèce d'empire, si vous voulez, finissant d'ailleurs. Mais ça n'est pas un État-nation, ça c'est déjà d'une. Ensuite, il n'appartient pas au peuple. Vous avez vu que les indigènes sont ceux qui posent problème. C'est la menace intérieure, c'est pas l'agresseur extérieur. Et ils nous le disent par tous les tons. Donc, votre État n'est pas votre État. Et j'en viens à cette tautologie. L'État est un État dans l'État. Alors, pourquoi l'État est un État dans l'État? Parce que l'État, les gens pensent que l'État, c'est leur État, c'est l'État national, et ça représente tous les Français, et que l'État travaille à la défense de leurs intérêts. Non. L'État est autonome, indépendant, c'est une bureaucratie indépendante de la population indigène. Elle est complètement indépendante, et plus le temps passe, plus elle se sépare des intérêts objectifs des indigènes, et se retourne contre les indigènes, à tel point que vous voyez ce que nous venons de voir. C'est-à-dire que les corps constitués de cet État, qui sont censés protéger l'État, et normalement aussi le pays et sa population, se retournent contre les indigènes. Donc l'émancipation de l'État du pays est consommée, elle est actée. Ces hauts gradés de la gendarmerie nous le disent. Pas simplement d'ailleurs les ministres qui se vantent d'organiser la censure, mais aussi les hauts gradés qui sont censés avoir une certaine neutralité. Ils nous le disent, ils disent: vous êtes l'ennemi. Vous les indigènes, vous êtes l'ennemi. Vous les blancs, vous êtes l'ennemi. Vous êtes l'ennemi. Oui, il y a une tentative d'assassinat d'enfants. Non, mais vous êtes l'ennemi. Vous voyez, il faut avoir quand même un sacré degré de saleté intérieure quand même pour s'abaisser jusque-là. Eh bien, ils le font, d'accord ? Ils s'émancipent totalement. Ils s'émancipent totalement de la population, voilà. Ils bossent pour d'autres gens. Et du coup, ils se comportent comme tels. Voilà. Et là, on comprend. Donc, l'État n'est plus votre État. Vous faites une croix là-dessus. La préfecture, ce n'est pas votre préfecture. C'est une ambassade. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, quand vous voyez un gendarme au coin de la rue, quand vous voyez un flic au coin de la rue, c'est pas votre police, c'est une police coloniale. Elle vous surveille, elle regarde vos moindres mouvements, si vous ne mettez pas en cause l'ordre colonial en place et les intérêts donc de la bourgeoisie coloniale en place. Elle est là pour vous pacifier, exactement comme les troupes romaines étaient déployées en Gaule pour pacifier les Gaulois. n'est-ce pas ? C'est du même acabit. Et ça, les gens doivent le comprendre maintenant. Vous voyez ? Il faut sortir de sa tête les représentations qui sont des représentations bicentenaires, qui n'ont plus aucune espèce de rapport avec notre réalité objective. Et d'autant plus que maintenant, ils le revendiquent. En plus, tous les représentants de cet État étranger s'en revendiquent. Donc, il faut intégrer ça dans les calculs, parce que, et du coup, on comprend à quoi ça, pourquoi ça sert à rien les élections, pourquoi, même si vous mettez Marine Le Pen demain à l'Élysée, non, pour cette même raison, c'est-à-dire que cette bureaucratie coloniale qui répond qui est solidaire d'autres bureaucraties coloniales aux ordres de la grande finance internationale, fera sécession. Ils saboteront les consignes, ils n'appliqueront pas, ils sont complètement autonomes. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent à la faveur de cette histoire, et ça se réitérera dans le futur, s'il y a des attentats terroristes à caractère par des musulmans, par exemple, ça sera encore le cas, etc. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Le seul moment où on leur fait croire à la fiction nationale, c'est quand il s'agit d'aller crever pour les intérêts de cette structure transnationale. Typiquement, la guerre en Ukraine. Là, vous allez voir. Là, on va commencer à agiter un peu de drapeau tricolore. On va leur dire, dis donc, t'es jeune, hein, t'as la pêche, t'as envie de défendre ton pays. Bah, écoute, pourquoi tu rentres pas dans la réserve? C'est ça qu'on va leur dire. Vous voyez, le semblant de patriotisme autorisé sera bien sous contrôle pour défendre les intérêts de la juiverie en Ukraine. Vous voyez, mais ça sera pas pour contrôler les frontières. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je parle trop longtemps, donc je donne la parole à Nogaret, mais rappelez-vous, les identitaires, le contrôle complètement inoffensif dans les Pyrénées, symbolique pour dire, voilà, défendons nos frontières, rappelez-vous, contre l'invasion immigrée, donc de gens qui viennent en France pour poignarder des gens, hein. C'est eux qui ont été interdits, pas les organisations de passeurs, d'accord? Donc voilà, tout est là, hein, tout est là. On a trouvé des magistrats, on a trouvé des flics, on a trouvé des médias payés par les contribuables pour faire la peau à leur organisation, voilà, bon, pour laquelle qui peut être critiquable sur certains aspects, pour ses silences ou ses complicités avec le pouvoir juif par ailleurs, mais n'empêche que, voilà, sur ce dossier-là, c'était caractéristique, voilà. Donc voilà, et pendant ce temps-là, Cédric Herrou a été reçu à Cannes, il a reçu le prix de la LICRA, il est sur Twitter, il est évidemment jamais censuré, il provoque à droite à gauche, il est tranquillement là-bas, dans sa vallée, en train de faire le malin, tout a l'air de bien se passer pour lui, Cédric Herrou a plus de pouvoir que Marine Le Pen, hein. J'aime autant vous le dire, hein. Cédric Herrou a beaucoup plus de pouvoir que Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous pouvez presque lui faire ce que vous voulez, voyez, à la limite. Bon, pas de s'en prendre physiquement à elle, mais tout le reste est autorisé. Cédric Herrou, c'est déjà complètement différent, hein. Lui, il a pratiquement le statut, il a pratiquement le rang d'ambassadeur, hein. Voilà, avec l'impunité diplomatique qui va avec. Hein. Voilà. Pour ne citer que lui, hein. Ambassadeur de la culture à Cannes, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que ce que j'ai dit, tu veux revenir sur un point? Ah oui, parce que t'as dit... Oui, j'ai dit beaucoup de choses, Et beaucoup de choses très vraies, donc je vais revenir, oui, sur un point tout d'abord, c'est sur voilà la désignation de l'ennemi, l'ennemi intérieur, indigène, l'extrême droite, comme ils l'appellent, hein, ils aiment bien faire ça, parce que, voilà, faut remettre aussi les choses dans leur contexte un peu plus large. Je rappelle que depuis un mois, nos auditeurs le savent, hein, bien entendu, il y a une répression contre tout ce qui ressemble à de la droite, même pas que l'extrême droite, mais à la droite, pour interdire absolument tout ce que la droite peut proposer, que ce soit des colloques, des réunions, des marches, bref, ils ont ciblé la droite. Je voyais dans des journaux des papiers pour dénoncer le terrorisme de l'extrême droite, la décivilisation, terme que Macron a pu employer, qu'il mettait sur l'extrême droite, en annonçant attention sur les plus de 20 000 fichiers S, il y en a 1200, rendez-vous compte, 1200 affiliés à l'extrême droite. Non, Macron avait simplement utilisé le terme de décivilisation. Oui, ça, je l'avais relevé. Oui, ça a fait hurler la gauche, oui. Bah voilà, et en fait, la gauche a repris, en tout cas c'était dans le Canard, la gauche a repris le terme pour l'appliquer à l'extrême droite, pour dire non, attendez, la décivilisation, ça n'a rien à voir avec les immigrés ou quoi que ce soit, c'est l'extrême droite. Les blancs, quoi. C'est les blancs en France, quoi. Exactement. Ouais, Bah oui, et justement, c'est eux qui... On a peur le soir quand on sort, tu sais, quand tu croises un blanc au coin de la rue, t'es pas tout à fait rassuré, quoi. tu vois. Ah bah oui, non, c'est jamais rassurant. Alors, s'il a le crâne rasé, je te dis pas. Ouais, il y a beaucoup de femmes qui osent plus. Elles voient un blanc, tout de suite, elles changent de trottoir, quoi. Parce que, bon, à cause du harcèlement sexuel, tout ça, tu vois. Maintenant, ça devient... L'air est difficilement respirable. Alors que quand la France était intégralement noire, avant, quoi, on était quand même mieux entre Français, quoi. Mais maintenant... Ouais, c'est ça. Mais maintenant qu'il y a des blancs, puis voilà, on a peur, quoi. On ferme les portes, hein, maintenant, chez soi. Hein. Il y a un blanc qui peut rentrer, hein, ça peut arriver. Hein. Oui, bah, c'est le vrai danger. Tu te rends compte, il y a eu parfois dans le passé, si tu regardes au 19e, des tueurs en série blancs. Donc non, mais c'est un vrai risque, cette population. Mais voilà. Mais oui, mais t'as raison dans ce que tu dis. Hein, le fait, ils ont besoin de retourner la crêpe. Ça, c'est... Voilà, il faut... Oui. Voilà, tout le temps, bien sûr. Mais tu vois, c'est ce qui est formidable, c'est qu'ils te parlent de 1200 fichés S affiliés à l'extrême droite, sachant que, bon, on ne sait jamais exactement leur catégorie, comment elle fonctionne, mais au moment des bassines, là, les méga-bassines, ouais. Ils parlaient de 3000 fichés S affiliés aux écolos et à l'ultra-gauche, hein, comme ils disent. Mm-hmm. Et bon, ça c'est aussi pour la petite anecdote, hein. 12 000 fichés S liés aux musulmans. Oui, voilà. Ils en ont beaucoup. Hein. Ça c'est un fichier, oui. S, mais il y a un autre fichier pour le terrorisme. Oui, exact. Qui, je pense qu'ils ont plus de 20 000 entrées, 25 000 entrées, j'ai pas regardé, c'est un chiffre qui croît beaucoup. Très très majoritairement des musulmans. Hein, ouais, beaucoup. Ouais. Prêt à passer à l'action violente, quoi. Bah c'est ça, donc voilà, c'est en fait ils relativisent tout ça en vous parlant de quelques affaires qu'il y aurait eu lieu. Alors les attentats sont toujours arrêtés, hein, côté extrême droite, bizarrement, mais au-delà de ça, voilà, de la désignation de l'ennemi, il y en a qui pourraient croire que ce soit le gouvernement, les politiques, essayent, hein, contrairement à ce que tu aurais pu dire, essayent d'agir, etc. Puisque, voilà, il y a la fameuse opération dont vous avez bien parlé. Ouais, j'arrive pas à prononcer le nom, là. Lave-moi le dos, ouais. Je sais pas quoi, fais-moi de la purée. J'ai oublié le nom de truc, là, Mayotte, là, ouais. Oui, mais le but, c'était ça. C'était aussi le but de cette opération, parce que si t'en foutais 10 000 dehors, à la fin de l'année, tu pouvais dire, vous avez vu, on en a expulsé 20% des OQTF. Ah oui. Ah oui, c'est mécanique, c'est connu, ça. J'ai déjà dit ça 40 fois dans l'émission. Les chiffres, quand un gouvernement, à la fin de l'année, il veut dire, voilà, vous avez vu, hein, on a bien bossé au niveau des expulsions des clandestins en France, il y a trois catégories. Donc, vous avez la frontière franco-italienne, où quand vous renvoyez quelqu'un en Italie, c'est compté comme une expulsion. Sauf que le mec, il repasse 3 jours après, jusqu'à ce qu'il réussisse. Et à chaque fois, ça compte pour un. Donc, le même client peut être expulsé 3 fois, ça compte pour 3 expulsions et pas une, statistiquement. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les Roumains, entre guillemets. C'est pas les Roumains, c'est les Tziganes. Ou les Roms, si vous préférez. Donc, c'est les Roms d'Europe centrale, ou des Balkans, ou principalement de Roumanie, de Slovaquie, qui connaissent très bien en fait les méandres de l'administration française, de l'aide, des aides sociales, etc., et qui viennent les piller. Bon, pourquoi se gêner, je veux dire. Bon. Et alors, donc, eux, ils viennent, c'est pareil, expulsion, truc, et le ministère de l'Intérieur est très friand de ces clients-là, parce que ça permet de rajouter des expulsions. Bon, ils vont revenir après, et c'est très facile, parce qu'on suffit juste de dire aux Roumains, eh, les gars, là, on en a quelques-uns, vous pouvez les accepter chez vous. Hein. En Roumanie, ouais, si vous voulez, bon, peu importe, enfin, ils s'en foutent, quoi. Voilà, ils sont contents, ça fait une nouvelle guerre. Et Mayotte, avec les Kwassa, pareil. Alors là, ce que voulait faire Macron, et surtout Darmanin, qui voulait un peu, parce que bon, Darmanin, ça, c'est un des plus mauvais ministres de l'Intérieur qui ait eu depuis quelques décennies, et pourtant, ils ont vraiment été mauvais tout ce temps qu'ils étaient. Hein. Mais c'est un des plus mauvais, indubitablement. Il enchaîne les gaffes, l'incompétence couronnée, il fait même pas illusion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a longtemps qu'ils ont abandonné l'idée de l'efficacité, mais ils cherchent même pas à faire illusion. Il revendique complètement sa médiocrité, son incompétence. Je vous passe le passage avec le Stade de France et les supporters anglais, où il a quand même été à fond dans le foutage de gueule, non seulement vis-à-vis... bon, ça montre aussi en quelle estime il tient même... je veux dire, la population française, je veux dire. Parce que pour maintenir, contre l'évidence, de telles énormités, quitte à humilier son propre pays par la suite, Darmanin n'a pas hésité une seconde. Hein. Et après, ça a créé des problèmes diplomatiques avec la Grande-Bretagne, etc. Bon, ça, voilà. Mais l'affaire Lola, pareil, il aurait, sa démission aurait dû être exigée tout de suite. Personne n'a hurlé en disant, moi, Marine Le Pen a vaguement demandé sa démission, mais ça devrait être là. Ça devrait être un hurlement unanime. Ça ne changerait rien. Mais si vous voulez, c'est le minimum du minimum du minimum du minimum syndical. N'est-ce pas? Non. Donc tant que vous laissez Darmanin, tant qu'il n'y a pas une chute politique, Macron, il fait ce qu'il veut. Il le maintient contre vents et marées. Donc on va quoi? On va laisser à Macron le soin de changer de Premier ministre quand il voudra, etc. Pas avoir eu sa tête. Quand je dis avoir eu sa tête, je parle bien sûr au plan symbolique, au plan politique, sa démission, si vous préférez. Voilà. C'est ce qui se profile. Et là, avec l'affaire, encore pareil, parce que c'est encore des histoires invraisemblables de droits d'asile, etc. C'est catastrophique. D'accord? Il n'y a encore rien. Et encore là, c'est cette affaire-là. Mais tous les jours, il y a des OQTF à la con qui commettent des attentats, je ne parle même pas du reste. Enfin, des attentats, des attaques contre. Voilà. Et il ne se passe rien. Donc, Darmanin, c'est tout à fait extraordinaire comme ministre de l'Intérieur. Plus la situation sécuritaire s'aggrave en France, et elle s'aggrave de mois en mois, plus il jouit d'une impunité totale. La presse ne demande pas sa tête. Vous ne trouvez pas ça curieux? La presse ne demande pas sa tête. C'est étonnant quand même. C'est étonnant qu'ils ne demandent pas la démission d'un ministre. Donc par ailleurs, ils nous disent avec ces manifestations que c'est un fasciste. C'est curieux, non? Ils sont extrêmement coulants, les Darmanin, je trouve. Je pense que la presse a bien identifié le fait que le gars était duplice dans une fausse incompétence, c'est-à-dire que, en fait, par le fait qu'il ne fait rien, il mène la politique que le système attend de lui, que la presse le sait, et qu'à ce titre-là, elle se gardera bien de mener campagne contre lui. Donc, il bénéficie de la bienveillance total de l'ensemble de la presse, y compris de la presse de gauche. Vous voyez? Parce qu'elle voit, la presse de gauche et d'extrême gauche aux mains des juifs, que quand il y a un drame comme ça, Darmanin fait le boulot qu'on attend de lui, c'est-à-dire ne rien faire, trahir jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez? Il fait pas de grande annonce en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, là les immigrés, ça va souquer maintenant. » Ah, c'est silence radio. Et ça, la gauche radicale, Et la juive immédiatique adore. Voilà. Ça c'est très révélateur. Ça c'est très révélateur. Voilà. Vu la situation, il s'en sort à chaque fois. C'est des trucs, il faut bien comprendre. Hein. Ce qui vient de se passer avec le bougnoul qui poignarde des bébés dans des landaux filmés, ça fait même pas tomber un ministre de l'Intérieur. Ça en dit long sur l'état de ce pays et l'état moral de ce pays. Et là, ce qu'il faut mettre en accusation, c'est pas les pourris qui gouvernent. C'est en bas. Parce qu'en bas, on s'en accommode. Donc comme on s'en accommode en bas, en haut, on le remarque. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc on n'a que ce qu'on mérite. Comme à Annecy, la population d'Annecy n'a que ce qu'elle mérite. Je plains malheureusement les enfants qui sont attaqués, mais je veux dire que les habitants d'Annecy viennent pas là se présenter comme des victimes. Ils ont voté pour cette raclure de mulâtre. D'accord? Il n'est pas arrivé là par l'opération de Saint-Esprit. Il n'est pas rentré dans l'hôtel de ville par effraction. N'est-ce pas? Il a été élu, ce mulâtre infâme. N'est-ce pas? Bon. Alors, il y a bien un consentement. Eh bien, tout le problème est là. Donc, c'est bien de dénoncer les gens qui sont en responsabilité, mais c'est beaucoup mieux de présenter un miroir à la population française, qu'elle regarde un petit peu dans la glace aussi, voyez, pour qu'elle regarde un petit peu de sa gueule au petit matin, parce que c'est pas toujours très très très propre, hein. C'est pas toujours très très propre, hein. Parce que moi, les larmes de crocodile, de connards d'électeurs de ELV, j'en ai rien à foutre, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je m'en fous complètement. Ces gars-là, ils s'en tapent, hein. Ils vont retourner dans leur quartier à Bobo, bouffer du quinoa, et se cotiser pour payer, comment dirais-je, un aller simple en Libye à Boubacar pour qu'il ramène ensuite sa smala, qui va ensuite dealer au coin des rues et faire chier le petit blanc, lui, qui bosse en intérim, quoi. Voilà. C'est ça, ces enculés d'hypocrites de bourgeois de gauche. Voilà. Ça me voilà, donc c'est pour ça qu'en fait ils sont inséparables les uns des autres. Il y a pas de LV, il y a pas de gauche radicale, de macroniste. Ils partagent tous la même conception profonde de l'organisation de la société. Ils sont tous d'accord sur les fondamentaux. C'est le reste, c'est du théâtre. Ils sont tous d'accord sur les fondamentaux. Ils sont tous, c'est un pouvoir étranger parasitaire qui est anti-indigène. Ils sont tous d'accord là-dessus. D'accord? Après, les colorations, les boutiques, les machins, ça c'est juste des querelles de boutiquiers. Ça, c'est, il n'y a pas de désaccords fondamentaux entre eux. C'est faux. Et l'impunité dont bénéficie Darmanin est la traduction de cette réalité, de cette duplicité générale à travers le spectre politique français. Ils sont tous d'accord. Et malheureusement, ça implique aussi les électeurs. Ça implique aussi les électeurs, faut-il le rappeler. Parce que cela, moi je vais dire, il y a une grande majorité de Français qui ne sont pas à plaindre. Attention à ça. Hein. On l'a vu avec le Covid aussi. Hein. Ils étaient tous en train d'applaudir là, quand il s'agissait de foutre dehors les gars qui les chassaient de leur métier, etc. Ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ils étaient tous d'accord, ils applaudissaient tous. Hein, à 90%, ils étaient tous d'accord. Hein. Et ben là, ils sont tous en train de pleurer, machin. Ah oui, c'est triste, c'était machin. Ouais, voilà. Bon, et puis ils s'en lavent les mains, quoi. Voilà. Ah, par contre, si ça leur tombe sur leur grolle demain matin, là, on va les entendre tous gueuler, quoi. Comme avec la vaccination. Donc tu leur expliques le truc, faut pas le faire, c'est dangereux, t'as. Ils le font tous à 90%. Ce pas ce qui va se passer, t'as des gars, ils ont des effets secondaires, leur vie est foutue, certains même sont soit lourdement handicapés, soit ils meurent, et là tu les entends chialer. Oh non, non, ah bah mes cocos, fallait utiliser ton cerveau un petit peu comme les autres, hein. Fallait pas leur cracher dessus quand ils t'avertissaient. Moi j'accuserais aussi Darmanin de lutter pour sa propre cause, je le vois bien... Lutter pour être un futur président d'une fausse droite, hein, bien sûr un petit peu dur, après Macron, qui sait. Et à côté de ça, l'opération des Comores, c'est que de la com, puisque les Comores l'ont humilié en lui disant « on va reprendre 90 personnes par jour sur les 200 000 à expulser ». Voilà, c'est une vaste blague, hein. Il a pas fini, mais je pense qu'il s'en fout, hein. C'est le symbole qui compte, il aura pété quelques cases faites en merde séchée, il sera bien content. Et au-delà de ça, pour se donner cette image de dur, et pour montrer d'ailleurs que malgré qu'il y ait plusieurs crèmeries, ils vont tous à la même source, c'est que là, ça fait un mois d'ailleurs qu'ils parlent d'une loi immigration qu'ils aimeraient bien mettre en place. Alors les LR ont proposé leur propre version. Ce qui est marrant, c'est qu'ils reviennent sur des choses qu'eux-mêmes ont abolies du temps de Sarkozy, mais bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais ils savent aussi très bien, ça, tout le monde s'accorde à le dire, que cette loi-là ne passera pas, puisque que l'aile centriste gauche, notamment des LR, hein, mais pas des LR, des macronistes, mais pas que, refusera de la voter puisque la loi ne mettra pas en place des régularisations massives, qui est la condition absolue de toute nouvelle loi sur l'immigration. Donc voilà, je reprends aussi quelque chose que tu as dit, les traîtres dans les indigènes, il y en a. Un des premiers, ça a été Sartre. Si vous voulez vous convaincre, vous lisez la préface qu'il a fait de Georges, de Fanon sur la décolonisation, son bouquin sur la décolonisation, où voilà, pour lui, il a des phrases comme tuer un blanc, c'est tuer un oppresseur, que grosso modo, il annonce finalement le fait que il va falloir, l'Europe va avoir une violence qui va venir notamment de ses anciennes colonies, et que la bonne façon, c'est de se coucher finalement, d'accepter la soumission qui va venir à nous. Enfin, en substance, c'est ça que dit le texte. Hein. Donc voilà, des traîtres qui, en fait, quand ils voient un événement comme ça se passer, appellent à encore plus, à accélérer encore plus le mouvement et à toujours dédouaner ces pauvres migrants, hein, sur la politique d'asile, tu l'as très bien dit. D'ailleurs, ça mène simplement à créer un asile, hein, un asile de fous, vu qu'ils montrent des études en disant que c'est des gens qui sont bien moins instables psychologiquement que les Français, qu'il y a beaucoup plus de cas chez eux, de cas psychologiques. Hein. Et eux, au lieu de vous dire on ferme le robinet peut-être, hein, non, eux, ils veulent l'ouvrir. Il y a un autre oiseau aussi qui mérite d'être écouté, c'est Aymeric Caron, qu'on écoute et qu'on retrouve. J'ai regardé le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas une mesure pour réguler les flux. C'est mieux intégrer, mieux accepter, mieux former les étrangers. Les mesures, elles existent déjà et on ne va pas les durcir. Si, il veut revenir sur la loi immigration de l'idée, votée avant. L'idée, c'est effectivement de permettre la régularisation des sans-papiers. Il faut les intégrer. Tous ? En tout cas, il va falloir être beaucoup plus comment dire, ouvert sur le traitement du cas des sans-papiers. Oui, alors, il y a peut-être certains qu'il faudra... Peut-être pas avec les multidélinquants. Non, peut-être pas avec les multidélinquants, évidemment. Il faut regarder le cas par cas, bien évidemment. En tout cas, quand vous dites que c'est régulé, comment vous faites, par exemple, pardon, et je me fais l'avocat du diable parce que je suis plutôt tolérant de ce côté-là, mais quand vous dites que c'est très régulier, tous les migrants qui arrivent en Italie, par exemple, peu importe le chemin qu'ils ont fait, et Dieu sait s'ils ont fait un chemin difficile, ils arrivent par l'Italie, ils rentrent en France... C'est pas régulé. Bah si, ils sont accueillis. Vous avez remarqué que d'abord, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous. C'est pas régulé, je veux dire. Bah, c'est régulé dans le sens où on les attendait pas. C'est ça que vous voulez dire? Bah, c'est-à-dire qu'ils rentrent en France. Non, on les attendait pas. On n'aurait pas fait qu'ils restent chez eux pour une bonne et simple raison. Non, c'est que s'ils s'en vont chez eux, c'est parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis juste que quand ça rentre un peu par les montagnes, ça rentre partout. Ça rentre par Menton, ça rentre par l'Espagne. Parce qu'il y a des endroits où on les parque, parce qu'on ne traite pas suffisamment bien leurs dossiers. Et qu'en effet, certains d'entre eux essayent, je suis pour l'humanité, avec des moyens dérisoires, néanmoins, de sauver leur peau. Et pour ça, ça leur fait prendre beaucoup de risques, beaucoup perdre la vie pour cela. Je vous prenais juste... Il n'y a personne qui quitte son pays, sa famille, ses enfants. Je suis d'accord que ces gens quittent. En étant heureux de le faire. Mais vous allez convaincre personne ici. On sait tous que ces gens ont besoin de partir parce que c'est l'enfer chez eux. Mais quand vous dites que c'est régulé, là, il y a peut-être des gens qui regardent la télé. Vous confondez deux choses, Christophe, si je peux me permettre. Je vous en prie. Le fait qu'il y ait des lois, des règles, des chiffres qui sont mis sur la table en disant on ne va pas accueillir plus de telle et telle personne, tout ça, c'est une réalité. Le fait qu'on choisit d'accueillir moins que l'Allemagne, par exemple, c'est un choix. Le fait que quand il y a une crise qui fait que l'Europe se demande est-ce qu'on accueille ou pas des habitants de tel ou tel pays en raison de ce conflit, la France est toujours celle qui fait le moins. Tout ça, c'est des politiques qui sont très clairement établies. En revanche, ce qu'on n'a pas encore fait, mais c'est peut-être ça ce dont vous rêvez, c'est de mettre des grands murs. Sans mais vous le faire, prenez pour qui, je me pour me dire mais je sais que vous ne le voulez pas, Christophe, je vous connais en plus. Ah d'accord, bon, mais, bah, alors soyez gentil. Non mais c'est un raisonnement par l'absurde. Mais soyez pas caricatural. Mais Christophe, je vous connais en plus. Et c'est un raisonnement par l'absurde. Non mais il y a des gens qui peuvent vous entendre et vous dire c'est une bonne idée un mur. Bah vous voyez, c'est pas une bonne idée. Il y a des gens donc c'est pas une bonne idée. Alors, la conclusion donc d'Émeric Caron, qui est très soucieux, vous rappelez, de la survie des moustiques. Vous rappelez de ça? Tu te rappelles de ça, Nogara? Ah bah bien sûr. Voilà, donc il avait peur qu'il y ait des moustiques qui meurent. Un autre parasite qui meurt, c'est terrible pour un parasite. Hein. Effectivement, donc il était très touché que la maman moustique perde ses rejetons. Par contre, des bébés, je pense qu'il faut raison garder, faut pas non plus complètement s'exciter. Donc si vous voulez, on a quand même des gens comme lui, hein, qui sont des députés ELV, exactement comme à Annecy. Donc déjà, il protège son petit comparse mulâtre d'Annecy, mais qui a plus d'empathie, si vous voulez, pour des insectes qui se portent très bien, je vous rassure. Hein, je veux dire, des moustiques, il y en aura encore dans quelques millions d'années. Hein, ça va, c'est pas une espèce en voie de disparition. Que des autochtones qui se font suriner dans leur landau maintenant, parce que il y a une montée qualitative là, visiblement, de la part de nos amis immigrés. Ça c'est un autre exemple. Et alors lui, c'est un Français de souche. Émeric Caron, il y a pas de problème. Hein, c'est un Français de souche. Pareil. Alors, il vient du showbiz, lui. Hein. Il vient du showbiz. Il était longtemps à la télé. Il s'est tenté à un moment donné à un spectacle, à l'humour. Pas beaucoup de succès. Et puis, il a surgi dans la politique. Tout est possible. Hein, mais en même temps, c'est le prolongement. Et il nous sort ses trucs. Et alors, ce qui est fascinant chez Émeric Caron, c'est que ce mec-là est complètement insincère dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un être insincère, fondamentalement. Et comment on le voit? C'est-à-dire que c'est un gars qui arrive, quand il essaye d'être sérieux, d'avoir toujours, il est toujours au bord de l'éclat de rire. Je ne sais pas si vous remarquez. Il est là, et il est toujours autosatisfait, il est marrant, il est toujours un peu hilar, un peu... Il a toujours envie d'éclater. Il ne se prend pas au sérieux, quoi, tu vois, même sur des sujets aussi graves. Donc, ce que je trouve qui est absolument incroyable dans cette époque-là, c'est que nous ayons un moment aussi tragique, aussi terrible, lourd de conséquences que ce que nous voyons, des types complètement inconséquents, superficiels, des tocards intégraux, qui sont rentrés comme ça dans le Parlement, qui sont des histrions, pour qui tout vaut tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler indifféremment de pots de fleurs, de jardinage, de meurtres d'enfants. Ils traitent ça sur le même ton. Et qu'en plus, tu vois, on leur accorde une attention, c'est-à-dire qu'on croit qu'ils ont une espèce d'autorité, et ils sont sur les plateaux, ils parlent, etc. Ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant et terriblement accablant pour les Français, pas pour Caron. Pas pour Caron, son procès, lui, il est déjà fait. Non, c'est terrifiant pour un peuple qui tolère ça. Ça, c'est terrible. C'est terrible pour... Donc, moi, j'arrive avec mon miroir et je place devant les gens. Je dis, vous avez vu, Caron n'est pas le problème. Caron reflète ce que vous tolérez dans votre pays. C'est-à-dire que vous tolérez que des gens comme ça soient dans votre parlement. Et donc, qui vous représentent. Vous voyez ? Et voilà. Et donc, ça, en ce sens-là, c'est accablant et c'est terrifiant. Vous voyez ? Et bon, alors, donc, il raconte ses insanités. Et donc, lui, il conclut, tu vois ? Le mec, mais vraiment ! Naturellement, en rigolant, hein, la conclusion, hein, donc t'as un bougnoul qui vient d'essayer d'assassiner des petits blancs dans leur landau. Conclusion de Caron, il est vraiment temps de régulariser les sans-papiers. Hein, s'il y a vraiment quelque chose à retirer de tout ça, c'est ça, quoi. Donc, le type t'inverse le truc, voilà, et tout est bien. Et voilà, tu vois, et y a pas de révolte. Si vous voulez, ces gars-là en haut, ils n'ont pas de raison de s'inquiéter, puisqu'ils voient qu'il n'y a pas de révolte. Et le processus continue. Et ils vont toujours plus loin dans la provocation, vous voyez ? C'est exactement comme des gamins en bas âge, vous savez, qu'ils testent l'autorité. Ils veulent voir jusqu'où ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de la part de leurs parents, vous voyez ? Vous avez affaire exactement aux mêmes gens aujourd'hui au pouvoir. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Ils vous provoquent, ils poussent. Ils poussent volontairement beaucoup plus loin, d'ailleurs. Ils vont bien au-delà des normes admises, etc., parce qu'ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller. Les Juifs fonctionnent aussi tout le temps comme ça. Donc les mecs vous foutent ça dans les dents, tu vois. Ils savent que c'est de la provocation totale, tu vois. Mais ils veulent voir parce qu'ils disent, tiens, si je fous ça jusque-là, je vais quand même déplacer le plot de 5 mètres supplémentaires. Tu vois. Voilà, voilà. Et bon, voilà. Donc, si vous voulez... Tout ça est tellement symptomatique de la déchéance, quoi. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Donc, avec lui, entre lui et Viard, c'est deux beaux spécimens de renégats. Et le renégat n'est pas une figure enviable. C'est pas l'ennemi, hein, attention. Le renégat n'est pas l'ennemi. L'ennemi, bannière déployée, etc., il peut, dans une certaine mesure, il peut quand même être en partie respectable. Parce qu'au moins, il ne vous ment pas sur ses intentions. Alors que le renégat, le traître, lui, ne peut jamais bénéficier de ça, quoi. C'est universel dans toutes les cultures, dans tous les pays, peu importe la langue ou les époques. Le renégat et le traître est un être maudit. Il n'y a rien à faire. Et ces gars-là, ils ont le physique de leur trahison, quoi. Et bon, faut les voir, hein, je veux dire, humainement, comment ils sont constitués, quoi. Et voilà. Et bon, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Et là, on est dans un problème. Je le dis, on est dans un problème anthropologique. Hein, c'est un problème anthropologique. Là, c'est la qualité du matériel humain qui est en question. Voilà. Donc là, je suis encore long, mais bon, j'avais quand même envie d'y aller, Franco. Toujours sur Caron. Caron, peut-être Nogaret, parce que je t'ai peut-être pas entendu là, sur Caron. Oui, non, mais je valide en fait sur l'aspect narquois du personnage, hein, qui d'ailleurs en joue, hein, enfin en joue d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est assez formidable dans cette séquence, puisqu'il regarde l'autre connard de Chavannes, et il crée un homme de paille en direct, c'est-à-dire que, ce qui a le don d'ailleurs d'énerver de Chavannes, qui dit « Mais regarde, moi aussi je suis un bon traître, hein, tu me connais très bien, pourquoi tu me fais ça ?» Ah non, de Chavannes n'est pas un traître, hein, il est de mère juive, hein. Ah oui, oui, donc oui, c'est encore oui, plus... Oui, oui, oui, non, je précise. Non, mais voilà. Et il faut le rappeler. Non, mais c'est important, parce que sinon on ne comprend pas les positionnements des uns des autres, tu vois. Ah, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec toi. Mais oui, donc oui, on a Caron qui crée un homme de paille sur De Chavannes en lui disant « Oui, vous allez vouloir créer un mur et tout ça. » De Chavannes qui s'évertue à dire « Ah non, mais attendez. » Et il dit une phrase d'ailleurs... assez intéressante, il dit non mais grosso modo il n'y a personne qui sera à convaincre ici, on est tous d'accord. Et là c'est, vois, c'est intéressant ça. Ah oui. Ah bah oui, ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire effectivement plus que la déconnexion, la sécession de ces gens, c'est-à-dire ils sont tous d'accord, ils discutent simplement entre eux, c'est voilà, ils font du pile-poule en disant oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors voilà, ils vous mettent un petit peu de misérabilisme en disant non mais on sait très bien qu'ils partent de leur pays parce que c'est l'enfer, etc. Ce qui est génial hein, d'ailleurs de position colonisatrice et réductrice, mais bref. Ils sont tous d'accord, ils ricanent tous sur, comme tu le disais, un malheur qui devrait soulever les foules pour s'en prendre à ces gens. Alors, voilà, ils dénoncent le harcèlement qu'ils subissent en ligne, c'est la moindre des choses, c'est bien, il y a des gens qui se réveillent un peu pour un peu jeter des sauts de merde sur ces gens en ligne. Si les sauts de merde pouvaient devenir physiques, j'avoue que j'apprécierais d'autant plus. Mais bon, je peux comprendre aussi les risques, parce que là, je vais vous dire que on l'a vu, on en a assez parlé avec Saint-Brévin, les menaces qu'ils font planer sur ces gens-là pour des pauvres actions, alors que eux tiennent des propos encore plus inadmissibles. Hein. Ah, bah non, le maire de Saint-Brévin, il voulait te mettre le mec qui est avec son couteau juste à la sortie d'une école, si tu veux. Oui, enfin, c'est ça. Voilà. Après, le mec, il dit, j'en ai marre des sales fachos, maintenant je vais en croisière. Je vais en Polynésie. Il y en a marre des sales fachos. Voilà, ça c'est voilà, c'est cette classe, toute cette classe est comme ça, toute cette classe dirigeante, de traîtres, hein. Je parle des traîtres, je parle pas des juifs ou des autres, je parle vraiment de la classe des renégats, ils sont tous comme ça. Vous me faites chier, il y en a marre, voilà. C'est leur mentalité, hein. Et il faut pas sous-estimer le rôle des renégats, des saboteurs, des traîtres, des facilitateurs de l'ennemi. Ils jouent un rôle crucial dans la machine de destruction. C'est sûr. Et simplement d'ailleurs, j'y pense là comme ça sur Caron, je pense que c'est ce qui a souvent été dit, c'est qu'ils ont une empathie inversée par rapport à la logique, c'est-à-dire qu'ils préfèrent l'autre à son proche, hein. Ça c'est le propre de ces gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants, finalement, l'autre abruti de Caron, on s'en fout un peu, puisque dans le prolongement de son idéologie et dans le prolongement de l'idéologie que pousse cette élite, hein, je ne sors pas non plus ça de nulle part, c'est des futurs pollueurs. Hein. Faites pas d'enfants, ça va polluer. Bon, bah finalement, Caron voit des enfants comme ça qui se font agresser. Bon, par rapport au petit moustique, c'est rien. C'est quelqu'un, vraiment, c'est attenant à la maladie mentale, je pense. Ce sont, au sens strict, des psychopathes. Ils sont incapables d'empathie pour les leurs. C'est la définition de la gauche pro-immigration. Donc, il y a eu un basculement à gauche, parce que jadis, la gauche qui venait du monde ouvrier, indépendamment, je ne vais pas rentrer dans la mystique de gauche, mais je veux dire, la gauche, on va dire, socialiste ouvrière de la deuxième moitié du 19e siècle, émanait du petit peuple et essayait de défendre notamment les ouvriers. Bon, je passe parce qu'ensuite, il y avait la gauche bourgeoise, il y avait, bon, je vais vite là-dessus. Mais bon, il y avait un caractère organique dans la gauche ouvrière de la fin du 19e siècle. Héritage qu'exploite cyniquement la gauche actuelle, radicale ou bourgeoise. Parce qu'elle a un mépris profond pour le petit blanc, c'est-à-dire le descendant des ouvriers de jadis, qui a été parfaitement mis en scène par cette saloperie de Cabu que la Providence a gratifié. La Providence ne l'a pas oublié, parce que Cabu était le mec qui a caricaturé le beauf, donc en fait le descendant d'ouvriers, en fait. Et le descendant d'ouvrier, c'était un beauf. Donc là, il y avait déjà le mépris, si vous voulez, du bourgeois. En fait, Charlie Hebdo, Cabu, c'est vraiment au plus profond du mépris de classe bourgeois. Mais on ne peut pas dire en tant que tel. On ne peut pas dire, ah, mais lui, c'est un ouvrier. Vous voyez, non. Il faut être plus malin. En fait, il faut présenter l'homme blanc des classes populaires comme étant quelqu'un qui est limité intellectuellement, sans empathie. En fait, il projette sur les classes populaires blanches, ceux qui sont vraiment eux, c'est-à-dire égoïstes, sans empathie, sans sentiment, etc. D'où la raison pour laquelle ils surjouent l'empathie pour le lointain, l'étranger et la xénophilie dogmatique qui est la leur. C'est pour cette raison, n'est-ce pas ? Ça vient pas de nulle part, ce truc-là. C'est-à-dire que les mecs, qu'est-ce qu'ils nous expriment ? Je vous ai bien expliqué, j'ai fait l'analogie avec l'Empire romain et l'assimilation des aristocrates gaulois au début de la conquête romaine et leur identification à l'envahisseur. C'est-à-dire que les aristocrates, c'est toujours comme ça dans toutes les épopées coloniales. Vous voyez, les classes dirigeantes des pays conquis s'identifient à l'envahisseur, se recyclent et ensuite utilisent l'arme, les armes des envahisseurs contre les autochtones pour continuer leur politique d'exploitation des autochtones. Vous comprenez ? Enfin, tu comprends. Je pense que tu comprends ça très bien. Et, oui, oui. Et en fait, tout le discours anti-beauf qui a émergé dans les années 60 et 70 au nom de la transgression gauchiste, au nom de la, d'en finir avec la société pesante de papa, etc., donc l'espèce de en voulant assassiner le père selon le mode freudien, freudo-marxiste, eh bien, a créé des névrosés en puissance, des psychopathes en puissance, et aujourd'hui, ça domine complètement l'inconscient collectif de la gauche blanche. Et donc, eux, par principe et dogmatiquement, ils vont systématiquement s'associer à tout ce qui fait mal aux petits blancs. Parce que eux se voient pas comme des petits blancs. Ils se voient comme des gens qui sont des gens importants. Si vous avez demandé à Caron ou à Viard ou à tous les caciques de la gauche, est-ce qu'ils, eux, se considèrent comme des gens qui ont de l'importance ou s'ils se considèrent comme des petites gens, croyez-moi bien qu'ils vont bien vous faire sentir qu'ils se considèrent comme des gens importants, avec des choses importantes à dire. Bon, ils racontent que de la merde, mais ils se considèrent comme étant des gens importants, qui doivent être pris en considération, vous voyez. C'est des gens très orgueilleux, très arrogants, c'est sur des critères comme ça qu'il faut les prendre, d'accord. C'est pas sur ce qu'ils racontent, parce qu'ils racontent que des conneries. Mais il faut les regarder sur leur attitude, leur façon de se comporter. Est-ce qu'ils sont arrogants, méprisants, ou au contraire, est-ce que ce sont des gens qui ont l'air sincèrement empathiques? Est-ce que quand on les voit, les gars, ils ont l'air sympas? Moi, vous regardez tous ces mecs, vous avez tous l'impression de tomber sur des cintrés de psychopathes du show business, vous voyez, bourrés de coke, complètement, je veux dire, mesquins, méchants, calculateurs, pas sincères, vous voyez, ils sont tous comme ça. Il y a pas un mec qui a vraiment l'air sincère, entier, auquel on dit non, bon, bah lui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, le mec a l'air, ça a l'air d'être quand même un homme, au plan individuel, ça a l'air d'être un homme bien. On voit bien que c'est tous des truqueurs et tout, vous voyez. Donc c'est ça la dimension. Et ces gars-là, donc, qui ont cultivé cette haine du beauf, ils pouvaient pas le dire, ils pouvaient pas le décréter comme ça, comme on faisait, j'allais dire, dans la société bourgeoise du 19e siècle. Ils pouvaient pas dire, bah ouais, mais bon, les gars, vous êtes des moins que rien, on est là pour vous exploiter. Non, il faut arriver avec d'autres arguments. Donc en fait, ils renversent le truc. Ils disent que les salauds d'exploiteurs, c'est le petit blanc. C'est le petit blanc, ouais, c'est un salaud, il exploite les immigrés. Genre, le mec, il est intérimaire, tu sais, il exploite quelqu'un. T'sais. Je veux dire... Bon. Par contre, Caron, il exploite personne, tu vois. Tu sais, dans le showbiz à Paris, etc. Tu vois, lui, il appartient pas du tout à une couche parasitaire qui exploite à fond, tu vois. Non, pas du tout. Et ça a continué comme ça, et ça continue comme ça. Et quand il y a ces problèmes-là, justement, où les conséquences de leur vision du monde, de leur politique, de ce qu'ils ont mis en place ou de ce qu'ils ont appuyé se manifestent, et que ça touche les petits blancs, vous voyez, comme là on a vu, bah, les petits blancs au sens strict, là c'est carrément les enfants, les tout petits blancs. C'est tellement... prendre une arme blanche et planter un enfant, c'est tellement... Ça contredit tellement, si vous voulez, tout ce qui constitue la nature humaine, c'est invendable. Vous pouvez pas défendre un truc pareil. Donc là, il faut vraiment bosser énormément si vous voulez faire avaler un truc pareil sans avoir l'air de le faire avaler. C'est très compliqué, ok ? Mais ces mecs, en termes de saloperie morale et en termes d'immondice intérieur, vous pouvez pas faire pire. C'est un art de vivre chez ces gens. Donc ils arrivent quand même à retourner le truc. Et comment ils font ? Ils vont vous dire qu'en fait, oui, bien sûr, c'est pas terrible, il y a le gars là, c'est un salaud. Mais c'est pas tous les immigrés, il faut pas faire de... cherchez pas, non, voilà. Sortez pas du parc d'Annecy, essayez pas de voir... Non, ça n'a rien à voir, c'est juste à Annecy, c'est juste dans le parc, voilà, il s'est passé un truc, on sait pas trop, voilà, mais cherchez pas. Par contre, tous les sales blancs sont des enculés. L'extrême droite, quoi, voilà. Ils sont... Putain, c'est presque la moitié du pays, c'est tous des salauds, c'est tous des ordures. Faut pas parler avec ces mecs-là. Mais c'est comme ça qu'ils parlent. C'est comme ça que parlent toutes ces bonnes femmes, la cruche qu'ils ont mis à la tête de la CGT, cette espèce de gauchiste complètement folle. Là. Elle est comme ça, Tondelier de LV, alors là c'est lunaire. Ouais. Je me fais du souci pour la carrière de Rousseau, parce que Tondelier est plus jeune et elle est plus tarée. Donc ça va. Parce que Rousseau, elle joue un rôle, elle le sait. Il y a une part de folie, mais il y a aussi une part d'amusement. Alors que Tondelier, là, vous sentez que c'est la monale, quoi. Hein. Elle est rentrée dans les ordres, c'est sa vocation, quoi. Hein. Bon. Et Jadot en a déjà fait les frais, en plus. Mais oui, parce que Jadot, c'était là, avec son gros nez, tu crois que le mec, on le voyait pas arriver? Mais oui, c'était le Macron écolo. Bah, même pas, c'est au-delà de ça. On voyait bien qu'il était même pas sincère dans l'abaissement moral qu'il promouvait partout. On voyait bien que c'était une espèce de pingouin qui était... Enfin, si tu veux, c'est le grand Benet qui se croit intelligent, si tu veux, Jadot, tu vois. Et ça pointe systématiquement. Il arrive quelque part, tu dis, tiens, t'as vu le mec, il se croit malin. Là, il croit qu'il en a vu plus long que les autres, tu vois. Et puis, le mec, en plus, il te le fait sentir, quoi. Tu vois, il est là, et puis avec son gros tarin, tu vois, puis avec sa juive qu'il a dans son plumard. Tu vois? Non, hé, coco! Les nanas de LV, tu vois, elles sont suffisamment manipulatrices pour devoir arriver. Elles ont 40 pièges dans leur... T'y arriveras jamais, tu vois. Bon, c'était marrant, mais voilà. Mais même ces mecs-là, ils se sont fait foutre dehors. Enfin, tout ça pour dire que... voilà, t'as affaire à des gens qui sont des cyniques, qui sont totalement psychopathes, une impossibilité à l'empathie évidente pour les petits blancs, dont ils procèdent et dont ils ont honte. En fait, c'est les origines honteuses, vous savez, c'est quand vous avez honte de vos parents. C'est exactement ça. Ces gars-là ont honte de leurs parents, tu vois. Ils veulent les cacher à leurs amis. Ouais, mais j'ai rien à voir avec eux, en fait. Moi je suis un mec cool, quoi. Maintenant que j'ai réussi, je me suis hissé dans la vie. Bon, bah, c'est pas pour non plus être ravalé à ces mecs-là. Vous voyez ? Donc, pourquoi ils surjouent l'empathie pour les immigrés ? C'est pour signifier leur détestation de leur peuple d'origine, vous voyez ? Toujours la mécanique d'ascension sociale. Impérial en l'occurrence, quoi, hein, voilà. Et c'est tout s'explique comme ça. Du coup, on comprend tout. On comprend pourquoi les mecs se bousculent au portillon pour cracher sur les petits blancs qui veulent se défendre. Donc, les gars qui ont manifesté à Annecy, je veux dire, et ils ont quand même du courage, je veux dire. Ils savaient qu'ils allaient se faire cracher dessus. Voilà. Alors, c'était les seuls mecs qui ont montré une qualité morale dans l'affaire. Et en fait, ils font l'unanimité contre eux. Pourquoi ? Bah, parce que c'est les seuls qui ont une qualité morale. Tout est logique, n'est-ce pas ? Voilà, c'est... Mais si je pourrais aussi rajouter un petit point, c'est que ça va de quelque chose, d'une évolution politique, tu l'as très bien dit sur la gauche, hein, entre ce qu'on pourrait appeler le collectivisme d'un côté, qui est très, très populaire, et le cosmopolitisme de l'autre, qui était très élitaire. C'est une évolution qu'on trouve quelque part dans la fameuse école de Francfort, hein, école juive pour ceux qui ne le sauraient pas, de l'entre-deux-guerres qui est partie aux États-Unis. En fait, l'école de Francfort s'était posé la question de comprendre pourquoi la révolution russe avait fonctionné, et pas, eux ils l'attendaient plutôt en Allemagne par exemple, et ils ont essayé de se poser cette question. Et dans l'école de Francfort, Horkheimer a réalisé qu'en fait, comme le capitalisme élevait la condition du travailleur, il sortait de la misère, ils avaient besoin d'une critique totale de la société pour en fait la rejeter, la faire tomber. C'est d'ailleurs cette fameuse logique révolutionnaire qu'on retrouve un petit peu chez les woke. Et finalement, un autre juif, hein, Herbert Marcuse, en 1969, a annoncé qu'il ne se reposait plus sur la classe prolétaire, donc le peuple, pour la révolution, mais qu'il préférait les minorités. C'est pour ça que d'ailleurs on voit qu'ils arrivent à se rapprocher de grosses instances capitalistes. Hein, et qu'ils... Oui, voilà, et qu'ils luttent sur l'industrie culturelle pour son contrôle, pour en fait soulever et rejeter toute la société. En fait, c'est un combat d'ensemble. Et c'est pas la société, comme... c'est les parasites juifs qui utilisent d'autres segments parasitaires contre le producteur arien. Oui, oui, oui, tout à fait, je dis société, mais c'est vrai que t'as raison sur les termes. Oui, et d'ailleurs, Fink, là, de BlackRock, il a expliqué pourquoi il imposait ces critères, là, l'autre jour, il en a parlé, il dit pourquoi, au niveau sexuel, pourquoi il concassait la société, pourquoi il imposait comme ligne directrice à toutes les entreprises avec lesquelles il faisait affaire, c'est-à-dire qu'il prêtait du capital, donc c'est un des plus grands, avec Vanguard, c'est un des plus grands fonds d'investissement, hein, BlackRock, il a expliqué qu'il fallait concasser les sociétés en question, de se servir des entreprises grâce à la carotte du prêt bancaire, concasser les sociétés, s'en servir comme cheval de Troie, enfin les entreprises, se servir des entreprises comme cheval de Troie pour concasser les pays et pouvoir les exploiter plus à fond comme entité parasitaire. Les Juifs sont une pure entité parasitaire, une force de destruction pure, n'est-ce pas ? Et du coup, C'est du cynisme intégral, c'est-à-dire que ce n'est pas par empathie pour les minorités, ils s'en foutent. Ils s'en servent contre une majorité qui est un bloc de granit qui résiste à l'influence extérieure. Voilà comment est conçue leur approche en la matière. Ça n'est pas par idéalisme, c'est par soif parasitaire, soif parasitaire qui se convertit en destruction des sociétés aryennes et de toute façon de toutes les formes de sociétés organisées qui ne sont pas juives. Voilà, donc c'est donc le LGBTisme soutenu par BlackRock et ses tentacules, parce que du coup, comme ils disent, ils prêtent, ils ont jusqu'à dire à des entreprises X ou Y que votre communication, ça doit inclure la diversité. Tout d'un coup, t'arrives, tu vois de la pub pour des chaussures, des trucs, tu vois, il y a systématiquement un nègre avec une blanche. C'est bizarre quand même, non, c'est tout le temps pareil. Tu vois, que ce soit de la pub pour un, je sais pas, pour n'importe quoi, une assurance, une bagnole, c'est toujours pareil. Tu dis, c'est bizarre, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est aussi coordonné? Oui, c'est les juifs. Et c'est revendiqué, c'est-à-dire que Fink, il existe. Je veux dire, quand il est en conférence aux États-Unis, qu'il explique, c'est un des plus grands prêteurs de fonds du monde, le mec explique, mais nous, on veut mettre des nègres et des PD partout parce que c'est comme ça qu'on va vous la mettre. C'est pas sorti du cerveau d'un nazi, il le revendique au effort. Donc voilà. C'est ça, et c'est 100 ans de théorie. Enfin, je dis 100 ans, c'est même plus, mais c'est 100 ans c'est théorise ça. Voilà, c'est-à-dire que Fink, en fait, il applique en tant que financier ce que ses congénères juifs de l'école de Francfort ont eux-mêmes pensé. Voilà, et donc alors évidemment, le gars, il comprend pas, il dit, mais comment ça se fait que des théoriciens marxistes, enfin juifs, qui se revendiquent du marxisme, inspirent un grand financier juif international? Je veux dire, non, ça n'existe pas, l'unité du sémitisme, ça c'est une théorie d'extrême droite. Oui, Coco, vas-y, tu m'en... Oui, ouais, continue. C'est ça, et dans ce cas-là, Caron, Viard, et même d'une certaine manière, certains cathos sont les idiots utiles de tout ça. Là, t'as qu'à regarder, c'est alors le mois des fiertés, importation américaine, donc impériale, on est là-dedans, on est dans le système impérial. Il y a un système impérial occidental, plus exactement judéo-occidental. Donc, il y a des marques d'allégeance et des fêtes. Et c'est ce qui s'est passé en Gaule. J'aime bien cette analogie. Okay, donc les Gaulois, ils étaient des païens, ils avaient leur propre rite, leur propre lieu de culte, etc. Les Romains, ils sont arrivés. Et mécaniquement, on associe la religion du dominant à la puissance. Tu adoptes la religion du dominant. Parce que mécaniquement, psychologiquement, tu te dis, si je mime le puissant, je vais devenir aussi puissant que lui. N'est-ce pas? Donc du coup, c'est vrai d'ailleurs au plan musical et autres, hein. Donc, les Gaulois, tu vois, qui maintenaient leur rite traditionnel, ils passaient pour des losers. Il y a eu une espèce de sentiment d'infériorité qui s'est progressivement sédimenté dans la pensée des populations gauloises. Et quand ils regardaient vers leurs anciens aristocrates, c'est-à-dire leurs anciens seigneurs de la guerre qui se sont latinisés très vite moyennant des accords avec les Romains, etc., ils ont dit, mais attendez, la formule gagnante, c'est de se latiniser, de se romaniser, c'est pas de garder nos traditions celtiques, là. Alors, ils n'ont pas formulé ça comme ça, vous imaginez bien, hein, mais en gros, ils se sont dit, ça c'est la loose. Regardez les Romains, ils ont fait vous avez vu le nouveau temple qu'ils ont fait, là vous avez vu leur dieu, là, ça waouh, c'est là que ça se passe, quoi, hein, c'est bon, allez, les gars, et comme ça, par mimétisme, les Gaulois se sont fait acculturer. Et ce que vous voyez avec les mois de la fierté, c'est exactement ça. Donc la minorité en question, c'est les PD. Donc eux, ils appartiennent généralement, traditionnellement, à tous les milieux de publicité et autres. Donc c'est des segments à fort revenu. Ils sont très proches des intérêts juifs, et dans la logique des juifs de domination qui est la leur, c'est des alliés objectifs. Donc leurs médias les mettent en avant, etc. Et toute contestation de la religion anale, hein, du rite de soumission à l'anus, ça vaut mort sociale. Hein, si vous amusez à faire une blague sur les PD, tout le monde se foutait de la gueule des PD il y a 30 ans, aujourd'hui tu ne peux plus te permettre. Hein. C'est la mise à mort sociale, et même ça finit au pénal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Posez-vous les questions. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas juste du côté, oui mais bon, les PD, il faut les accepter. Non, il y a autre chose qui s'est passé, vous voyez, qui est de l'ordre du politique, qui est l'ordre de la domination dure. C'est un très bon exemple de ça. Donc, et là, tu as ceux qui disent « on résiste », donc les indigènes, les irréductibles, tu vois, ou les autres qui disent « la culture de la win, oh, les gars, on, voilà, c'est voilà, il faut, c'est là qu'il faut être. Si on a envie d'être intégré dans la classe dominante, c'est là qu'il faut être, quoi. Et là, bah, encore une fois, il y a deux écoles. C'est, est-ce que tu es du côté de la classe impériale, cosmopolite, complètement dégénérée par ailleurs, mais qui sait dominer, ou est-ce que tu es du côté des indigènes, parce que, moralement, tu penses que ton chemin est là. Bah, moi, j'ai choisi, je ne sais pas ce que les autres choisiront, mais moi j'ai choisi, quoi. Et c'est vraiment en termes de soumission, on vous le fait comprendre, c'est pas juste, il faut accepter, non, on te dit, voilà, c'est ça ou rien. Moi, je veux bien qu'on me dise l'islam, la conversion à l'islam, etc., machin. Ça fonctionne pareil, hein. C'est la même dialectique aussi, l'islam. C'est une religion impériale, hein. C'est la soumission ou la mort, hein, pratiquement, enfin. Sauf si, comme disent les gens du livre, bon, Alex, mais par contre, les païens, il y a moins de leur... En islam, t'as le droit de leur casser le crâne, hein. Mais c'est une religion impériale. Bah, excusez-moi, l'anus, c'est une religion impériale. L'holocauste, c'est une religion impériale. C'est pas autorisé de contester, hein, Vincent, c'est quelque chose, hein. Voilà. Donc, quand on fait une analyse comme ça, on comprend. Et la solidarité à l'égard des migrants, on comprend. Ils s'en foutent des migrants. Caron, il dort pas avec des migrants. Enfin, je suis pas dans sa vie privée. Peut-être qu'il se fait enculer par des gigolos comme Palmade. Mais bon, sauf ça, il passe pas sa vie avec. Il vit pas dans une tente quechua avec des migrants en bord de Seine, d'accord. Donc, pourquoi? Vous voyez? Et c'est même Caron et ses homologues bourgeois de centre-ville bien blancs, c'est même les premiers à gueuler dès qu'il y a un centre de migrants qui est installé à côté de chez eux. Hein. Bien sûr. À Paris, c'est très visible. Comme tu le dis, ils instrumentalisent, mais jusqu'à ses limites. Hein, s'il faut vivre avec, alors là, c'est plus la même limonade. Bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.